En direct des studios York Media, vous écoutez l'épisode 14 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. L'alignement de départ, le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 31, Jeff Mallette. Le numéro 88, le retour d'Alex Crompe. Et le numéro 17, du moins, pour ce soir, Jeff Hansen Crompe. Ce soir, je porterai fièrement le numéro 17 de Steve Hansen. Là. Fièrement mon jersey des Chiefs. Là. Un beau jersey. D'ailleurs, on va aller faire l'avant-match, mon père, de ça un peu. Je me souviens plus de ton numéro. 115. Je sais, c'est une joke. Blague. C'est juste des blagues. C'est Mark qui est là, je l'envoie chier, mais là, j'ai pas le goût d'envoyer chez JF. Parce que t'as pas signé ton deal de char encore avec, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il fait peur. C'est question monétaire. Fait quoi, la semaine passée, je suis allé faire un tour avec Caro chez Igloo Fest pour l'événement Slapshot, les 40 ans de Slapshot. C'était merveilleux. C'était bon. C'était très bon. Puis d'ailleurs, je salue Mathieu Gélina, le seul qui. Le trooper qui a décidé de venir, puis c'est le seul que j'ai croisé là-bas. T'as même trop fret. C'était quand t'as eu ta live, t'étais à la game, toi, l'après-midi. Ah ouais, ouais. Il faisait zéro, c'était quand même doux. Là. Je serais allé, mais il fallait que j'aille porter le beau-père. Mais bien, c'était quand même bien. Présentation extérieure. Les Hansen étaient là, c'était pas les vrais, mais c'est quand même des Hansen qui étaient là. Présentation participative, fait que fallait que tu cries quand il y avait les Chiefs. Il y a un des Hansen qui a vraiment joué dans la Ligue nationale, il a joué genre 33 games. Il y a deux des Hansen, c'est vraiment des Hansen dans le film. Ouais, mais c'est ça. Il y a un des Hansen qui a joué dans la Ligue nationale. Son nom, c'est vraiment Hansen. Je me souviens pourquoi Hansen. Mmh. Ouais, ouais. Puis il a joué 33 games dans la Ligue nationale pour les Red Wings puis pour les Leafs. Ça, j'ai dit. Ah ouais, deux équipes en 33 games. Ouais. Chris. Ouais, mais tu sais, genre, une année, genre, 11 games avec les Red Wings. Okay. Après ça, il s'est fait échanger. Il a joué dans la Ligue américaine. Puis là, il a rejoué. Une coupe de game. Je pense qu'il y a trois buts. Trois deux points. Games avec qu'est-ce les qu'est-ce qu'il a scoré en plus, c'est bon. Un but, deux passes. Ou peut-être même genre. Peut-être qu'il a scoré dans NHL, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, il a sa puck avec First Goal. Je sais pas s'il jouait avec ses lunettes. Je pense pas. Ça me surprend. Là. Mais bref, c'était fait par McFly Événement. Ils font des couvertures de films, justement, là, comme ça. Quand ils ont fait Back to the Future, je pense, l'année passée. Ah ouais? Ils font des projections participatives de grands classiques. Ah, et là, c'était autour de Slapshot. Fait que. C'est palpitant. C'était merveilleux. OK, ben vous avez tous on peut même enchaîner. On peut en parler, mais vous avez tous manqué ça. Fait que c'est pas grave. Ça, allons-y ça avec les positions du pool. Les positions dans le pool. Que j'ai pris une dégringolade. Comment? J'ai pris une dégringolade. Ouais. Numéro 5, Jean-Sébastien Babin. Quand numéro 4, Dominique C. Parent. Numéro 3, Yann Dupuis. En numéro 2, notre JF Mallette. Oh shit, et hein? Premier, Alexandre Girard. Ça fait chier parce que t'étais en train de le rattraper puis il t'a comme pris une petite avance. Là, c'est comme ça, man. T'étais, je pense, chier, à 3 points un moment donné. Yash à 3 points, je baissais à 8. Fait que, ça s'en vient. Tranquillement, faut pas tu gagnes. Ben, c'est pas grave. Je vais le donner au deuxième. Ben non, mais je vais le donner pareil à. Comment c'est qui le premier, Alexandre? Ben là, c'est Alexandre Girard. Ben, ça peut changer. Là, c'est encore une. Ça va jouer à 20. Moi, j'ai pas fait mes échanges au mois de février. Moi, ce que j'ai, c'est que j'étais à 4e cette semaine dans le pool, puis je suis tombé 9e. Après ça, ben c'est ça. Après ça, ben moi, je suis tout le temps genre 5-6, à peu près. Là. Ben moi, je suis 6. Au moins, on est 3 dans le top 10, tu sais, déjà. Ouais. C'est mieux que l'année passée avec les bon, Suisses là, qui nous battaient tous. Ouais. Ben, fait que moi, je suis 6e. JF Crompe, 9e. On a ensuite Alex Galipo, 15e. Il y a Seb Brutal qui était là au dernier podcast, qui a remonté, qui est rendu 18e. Ça revient là en course. Ensuite. Ça, tu changes l'autre. Ça, c'est ça, trop beau. Je sais plus compter. L'autre Martin Véro, 54. Oh, t'es là, 45, excuse. Ok, t'es pas dernier. T'es pas dernier. Le dernier, le dernier de cette semaine, Sylvain Hudon et Élie Rodrigue, avant-dernier. On le salue. Moi, je l'ai plugué. On le plug parce qu'il approuve, mais il n'y a pas eu de temps. Fait que, ok. Ouais. Bon, ben, c'est passé beaucoup de choses avec le Canadien. Moi, je vois que tu dis pas de coup, mec. Moi, tout. Faut que je propose qu'on aille déjà faire la première période de suite. On a bien d'avoir parlé, fait que le sifflet sera pas loin cette année. Le sifflet. Je parle donc, mais mal, quoi. Le sifflet ne sera pas loin. Bon, ouais, on commence la période, là. On commence la période. Arrêtez de m'humilier moi-même, là. Donc, résumé des matchs entre les deux podcasts. Jeff, tu m'as pas mis les dates, mon salaud. C'était-tu bien grave? Non, c'est pas bien grave, mais okay. je vais les nommer comme ça. Une game tel jour, un moment donné. Winnipeg, Montréal, premier match de Claude Julien. Samedi, le 18, je pense. Défaite 3-1, premier match que Jeff était bien bandé. Plate, en plus, man. Depuis que Julien, c'est là son plat. On a perdu combien déjà? 3-1. C'est-tu que c'était plat? J'étais là, puis c'était plat. En plus, une game l'après-midi. La gang de l'après-midi. Ensuite, on est allé faire un tour à New York. Une victoire de 3-2 en tir de barrage. Et j'ai un vidéo pour vous cette semaine, messieurs. L'arrêt incroyable de Carey Price en prolongation. On va vous le montrer ici parce que ça vaut la peine. Là, j'ai crié chez nous. Oui, c'est-tu que c'était merveilleux, ça. Un esti de beau jump là, sur le side. Ouais, voilà! Du grand Carey Price. On sentait que Carey commençait à revenir dans sa game déjà. Fait que ça, c'était le 21 février. Bon. J'ai les dates, je vais te donner. Un esti de jeu défensif de Plekanec après. Il est rentré au banc, c'est quoi? Il est allé au banc. Lui, il est resté là. Quoi. Il est allé au banc. Quel jeu défensif. Il a failli scorer là. Il a pogné la peine. Là. Chris, une chance. Mais ben après ça, il reste. Price s'en va, mais lui, il reste là. Non, tu vois, il va rattraper après ça. Là, il va empêcher le retour, Steve Bang. Et voilà. Ah, OK. On va le voir de haut. Il est tombé. Ah, non, Sportsnet ne voulait pas le voir. C'est encore les Sportsnet. Il n'y a pas de preuve. Ensuite, les Islanders à Montréal sont venus. Une défaite de 3-0 pour le 1000e match de Claude Julien dans la NHL. Lequel, ça? Contre les Islanders? Ouais. Une couple de games plates là des derniers. Mais pour de vrai, pas beaucoup de games le fun en fait. C'est la seule game plate je trouve. Non, je suis pas d'accord. La game a été bonne contre Columbus, man, c'était crissement bon. Ça a fini 1-0 puis c'est une des meilleures games que j'ai vues des dernières semaines. C'était vraiment excitant, mais ça n'arrêtait pas d'aller d'un bord puis de l'autre. Oui, mais j'ai la période. OK. Vas-y. On va y arriver. Après ça, Montréal à Toronto, victoire de 3-2 en prolongation, 14e victoire de suite du CH contre les Leafs. Quel contre Toronto, ça, c'est un bon match. Tu suis pas pendant tout, Dave. Tu me fais répéter chaque match. Non, mais c'est parce que j'avais pas compris quel qui parlait. Là. Mais là, j'ai une vidéo pour ça aussi. C'est le but en prolongation d'Andrew Shaw. Son meilleur match dans l'histoire du Canadien. Il s'est décalissé dans la bande. Son meilleur but de l'année. Là, il s'est décalissé le dos dans la bande. Encore, ben, passe de Plekanec là-dessus, faut le voir. Plekki dans les highlights cette semaine. Ouais. Deux fois. Shaw se relève et il fait un gros câlin. Là. C'est vrai, deux fois Plekanec est impliqué. Moi, j'ai rien dit. Voilà que Austin Matthews n'est pas content. Hey, Chris, donnez-y le trophée Norris. Norris? Le Jack Adams. Jack Adams, c'est un gars. Le Lady Bing. Donne-y le Lady Bing. Ah non, ça joue au hockey en tabarnak cette journée-là. Ça jouait en tabarnak. Moi, je l'ai checké dans mes lunettes canadiennes. T'as les lunettes de VR. Ça marchait-tu? Ouais, ça marchait. Ouais, c'était correct. Tu t'écœures après genre 30 secondes. C'est parce que t'es loin du jeu, tu vois. C'est comme si t'étais, mettons, genre. Pas des pénalités. C'est comme si t'étais, mettons, au Centre Bell ou, mettons, là, c'était à Toronto, là, mais c'est comme si t'étais. Au milieu de la glace. En plein milieu de la glace, comme genre première. Ben, peut-être pas première rangée, mais d'un premier rangée, là. OK, fait que les affaires que tu vois pas. Fait que t'es comme. Quand ils sont à l'autre bout, ben, c'est comme si t'étais à la bouffe, fait que tu vois pas vraiment la puck, là. En plus, c'est de la vidéo qui est compressée, fait que c'est pas full HD, super grosse qualité. C'est en 320 par 240. Mon VR, c'est une affaire en carton, genre cheap, Canadian, là. T'sais, ça vaut pas de la dompe, là. T'sais, probablement que dans ton VR, ça aurait été mieux, là. Je sais pas si ça serait compatible. Hein. Sûrement. Ça prend le code, c'est tout. L'application puis le code. OK. Et voilà. Ensuite. Montréal contre New Jersey, une victoire de 4-3 en prolongation. Ça, c'était de la merde. La troisième période, c'était bon. La troisième période, c'était bon. Mais tout le reste, toute la première partie de la game, là, genre, jusqu'à la deuxième au complet. Là, c'est comme si ça s'étudiait d'un bord. Hier, c'est une game pourrie après la troisième période. Hier contre Columbus. C'est tout le temps ça. C'est juste la troisième. Ça, c'est mardi. Parce qu'il manque contre Columbus, victoire de 1-0 en prolongation. Ça, c'était une bonne game. Pour troisième vrai, victoire de suite. Ouais. Deux buts victorieux en deux soirs pour le beau Chucky. Ouais, deux fois le même et jeu. Et ses annonces de pantalon. Non, je l'ai pas vu, celle-là. Il a pogné une bonne batch de poudre, ça a l'air. De pantalon. Ah, il fait des annonces de linge à star comme Subban faisait un peu. Là. Oh, ouais. Ouais. Les photos shoot. C'est le prochain. Faut l'échanger. Fight Radius. Et hier, victoire de 2 à 1. Je l'échangerai en estime. Ça, c'était une contre les Prédateurs. Et c'était plate en crise, mais il faut parler de Subban qui est. Ah, ça, c'était plus plate que Miley Cyrus a tout couché sur le dos. C'est bon, ok. T'as déjà vu ça? Tour de table. Check sur Internet. Tour de table. Avec qu'on fasse les plates. Avec qu'on fasse les plus moins tour de table sur le cas Subban, puis l'hommage d'avant-match. Ben moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était bien. Ça avait de la classe, man. Merci. Une association de classe, puis garde, on tourne la page, puis good luck. Mais on s'entend-tu qu'ils ont fait ça? Moi, je pense principalement pour l'implication sociale. Parce qu'il n'y a pas un asti joueur qui mérite cet hommage-là. Il n'y a rien fait là, avec personnel, Montréal. En tant que joueur de hockey, ben, oui, il y a des fans. Il y a des fans de Piqué, joueur de hockey. Mais il y a beaucoup de fans de Piqué. Mais il n'y a pas accompli la personnalité à Montréal, Piqué. Il n'y a rien accompli à Montréal à part le trophée Norris. Non, en tant que joueur de hockey. Mais il était adoré par les fans. Les fans, ils l'ont aimé parce que combien, c'est combien de joueurs qui ont passé à Montréal qui ont été adorés, qui n'ont pas eu cet hommage-là? Jamais autant que ça. Lafleur, la dernière. Depuis longtemps, c'est le joueur qui a soulevé le plus les passions. Je comprends. Depuis très, très longtemps. Je suis d'accord, mais je veux dire. Mais tu parles juste joueur de hockey, là. Oui. Tu penses pas tout le reste. Puis il y avait la personnalité flamboyante que le monde aimait. Tout le reste, mais juste joueur de hockey. Là. Pense à juste un joueur de hockey. Y a-tu un joueur de hockey qui mérite un hommage de même pour être juste, je vais le dire, là, c'est chien peut-être, mais être passé à Montréal? Il ben, n'y a pas apporté de Coupe Stanley, il n'y a pas apporté genre de rien ben, de championnat. Pour le social. Ah, mais il a été capitaine là-bas, il a été là depuis y a genre. Il n'a pas apporté de Coupe Stanley. C'est combien il n'était pas cet hommage-là? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il méritait pas. J'ai dit que c'est probable. C'est pas juste à cause de sa carrière de hockey. Non, c'est pas juste ça que je dis. Les 10 millions à l'hôpital, l'implication de la société. Son implication sociale qui a fait que tu donnes un hommage à ce gars-là parce que. Il y a des fans. Ça, puis il a été aimé parce qu'il a une personnalité flamboyante, puis il est sympathique. Il y a des fans. Oui, je le sais, mais Chris, je veux dire. Il y a du monde qui écoute même pas de hockey, c'est des fans de Piqué Subban. C'est pas des fans. Ça transcende le hockey. Oui. C'est une méga vedette. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec son hommage. C'est pas ça que j'ai dit. Dis-le. Mais pas en tout, j'étais tout à fait d'accord. J'ai dit même que la première fois que j'ai dit, c'est que c'était beau, Chris. C'est ça, il a dit son point. Jeff est silencieux, je trouve. Jeff, lui, c'est fuck him. Moi, honnêtement, je l'ai pas écouté. J'ai même pas voulu écouter la première période. Tout ce que j'ai vu, c'est des photos de lui. Ah, t'es poche, man, pour vrai, là. Non, ça donne quoi de faire ça? Ben, c'est parce que j'étais avec mon fils, puis mon fils voulait faire autre chose. C'est une excuse. Non, c'est vrai, je vais pas. Tu disais hier sur le chat. Tu faisais un live en cherchant des jouets de ton fils. T'as dit sur le chat hier que Kadi aurait pas dû faire ça, que tu écouteras pas en première période. J'ai jamais dit la dernière fois que tu as joué avec ton fils et tu as manqué une première période à cause que tu jouais avec ton fils. Depuis qu'il est au monde. Ouais? Ouais. Toutes les autres games que tu étais avec ton fils, c'est que t'es pas vraiment. Mon fils, ça va le hockey. Toujours. Là, encore, background, pas de son. Tu peux pas mettre même ça pas. Dans le background. Là. Même pas. De toute façon, ça m'intéressait même pas de voir ça. Moi, personnellement, là. C'est ça, le chat sort du sac! Ben non, mais regarde, si ça aurait été de quoi d'important. Il fallait que ça soit plus important que moi qui joue avec mon fils, je l'aurais écouté probablement. Mais non, moi, je voulais voir ça, mon gars. Moi, je le vois chaque jour. Moi, non, regarde. je me suis dit, au pire, je vais voir la vidéo le lendemain dans la presse. Puis, comme de fait, le lien était dans la presse, puis j'ai skippé à la page. Tu sais, ça m'intéressait pas partout. Je suis allé me faire la. Tu sais que t'as contre lui, là, tout d'un coup. Ben, je sais pas, mon calice. Subban, c'est Subban, puis that's it. Non, regarde, moi, je trouve que quand même. Bonne chance dire, pour toi, Nashville, mon gars. Là. Moi, je l'aimais quand même, Subban. C'est pas parce qu'il est parti que, genre, tout soudainement, je le déteste. Là. Je le déteste pas, c'est juste que je m'en calisse. Ben, je m'en calisse pas. Je veux dire, c'est un gars que j'ai, que ben, j'ai aimé à moi. Moi, je m'en calisse. Moi, je l'ai sur la glace, mais je le déteste pas. Là. Tout est dit hier, je pense pas que le siège va rendre hommage à Piqué. Moi, je le ferais pas. Ah non, ça, ben ça, ben ça non, parce que honnêtement, comme Dave l'a dit, tu sais, à part. T'as dit Yash. Yash, t'as dit, oui. Pour ça, j'écouterai pas la première période. Et voilà. Non, non, mais le chat. In your face. Le chat de la soirée du podcast. Pas contre ton fils, man. Ouais. Hey, attention à ce que tu marques dans le chat. Ben, je vais écrire ce que ça me tend, mais non, ça m'intéressait pas plus. C'est off-mic. C'est normal que ça défensive, mais si. Ben, j'ai pas tout dit. Non, je m'en fous de Subban, honnêtement. Je m'en calisse. De Subban, c'est garde, il a donné de l'argent parce que son comptable il a dit une bonne idée, puis il garde. C'était un peu haineux là-dessus. Ouais. Ben non, mais regarde. Mais ça, mais attends un peu. Moi, ce qui compte, c'est les deux points. Je pense qu'il a pas mal journée. Plus perdu d'argent en faisant ça qu'en gagnant, qui sont comptables, qui dit fait ça, tu vas sauver de l'impôt. Ah, il s'est pogné du capital. Subban, c'est l'image. C'est ça qui lui compte plus que d'autres choses. Ben, je suis pas. Là-dessus, je suis pas en désaccord, par exemple. Pour l'image, ça fait partie. Non, je dis pas qu'il a fait ça que pour l'image, mais je veux dire, veux pas, ça en fait partie quand même. comment que, tu sais, comme le, tu sais, Subban, c'est une marque de commerce. Puis il mise beaucoup sur sa marque de commerce avant les kits. C'est un peu rough, tu sais. Ben, non, je dis pas. Non, ça a toujours été ça, Piqué. Nous autres, on l'aimait parce que j'étais notre meilleur défenseur. C'est juste ça, mais tu sais, je dis que ça joue, veut pas. 90% de tout ça. C'est fort, là. Moi, je vais donner, je suis millionnaire, puis je vais donner 10 millions pour. Pas mon image, parce que je vais avoir ma photo dans le pays. Non, c'est pas à cause de ça. Mais pas juste son image. Il y a son image. Il y a genre sauver l'impôt parce qu'il y a un bon comptable. Puis il y a aussi parce que le gars. Il a sauvé l'impôt, il a payé 10 millions. Non, mais attention, il n'a pas payé 10 millions. C'est 1 million par année. C'est 1 million par année. Fait que tu sauves l'impôt quand tu fais ça. Lui, c'était la durée de son fondation, tu sauves l'impôt. Oui, mais il a sauvé plus que 1 million par année d'impôt. C'est pas ça que je dis. Non, non, mais ça va y revenir. Ça y reviendra pas tout. Une bonne partie. Non, non, c'est ça que je dis. J'ai pas dit. Attends un peu, là. Mets-moi pas des mots dans la bouche, toi, Chris. Là. Ce que j'ai dit, c'est. Il y a une raison, deux raisons. Puis il y a aussi une raison. Je veux dire, c'est pas un cave, le gars, Chris. Il s'implique social, il fait de l'argent. Je veux dire, si t'as les moyens de le faire, fais-le. Puis good, fais-le, tant mieux que t'es capable. C'est pas tous les joueurs qui font ça. Tu sais, fait que lui, qu'il fasse. C'est pas tous les joueurs. C'est tous des caves qui veulent pas sauver d'impôts, eux. Mais non, mais c'est pas tous les joueurs. Attends un peu. Il y a beaucoup de joueurs qui vont donner de l'argent à des organismes de charité. Oui. OK. Mais t'en as juste pas parlé parce que c'est pas des montants aussi importants. C'est 10 millions, c'est ça. T'as un atrium dans ton nom. C'est ça. C'est parce que c'est pas des montants aussi importants. Parce que Weber, il y a une chérie et tout. Il y a une affaire à Nashville pour c'est les ça, enfants. C'est ça. Puis quand avait sa loge pour les enfants au Centre Bell. Lui, c'est parce que dans le fond, c'est le plus gros montant qui a été donné par un athlète canadien. Il y a Seb Brutal dans le chat qui veut qu'on parle des bisous de Subban à Mme Béliveau. Ben ouais, c'est un gentleman. Je pense qu'il faut. Ben c'est correct. C'est pas vrai. C'est une excellente transition. C'est pas vrai. Fait qu'on va sortir de ce sujet-là tout de suite, puis on va aller dans nos plus et nos moins. Quelque chose qui se passe là-dedans. Ouais, Grandball lover. Ouais, il va dire que notre retour, Alex Comp avec le plus. Écoles, je vais te mettre sur la sellette. Oh! Donne-moi. Vas-y, donne-la à Plecky. Non, Chris Plecky, il joue comme la merde. Ça fait longtemps que je suis pas venu, mais je suis capable d'admettre que Plecky, c'est du bois mort. On peut pas savoir que ça fait longtemps que t'es pas venu. Non, bon plus. C'est sûr, ça fait longtemps que t'es pas venu. Chris Plecky, il joue comme la merde. Moi non plus, je viendrai pas. Ouais, non, j'ai la saucisse molle. Je le vois jouer. Bon. C'est la saucisse au vif, puis c'est pas pour la bonne raison. Trop de détails, trop de détails. Ah, vas-y. J'ai la chair. Bon, mon plus, je vais le donner, à Pacioretty. Il joue bien en crise. Ouais, c'est un des seuls trois joueurs qui fait des points dans cette équipe-là. Je pourrais le donner à Radulov, je pourrais le donner à Pacioretty. Il est game changer, là. Il y en a trois, tu peux donner. C'est ça. Je vais le donner à quelqu'un qui fait des points, puis qui. Qui? J'ai pas compris le premier. Dano, Radu, ah, Pacho. Ouais, ben ça va être Pacioretty. Non, il se présente, puis il a changé d'attitude, puis ça paraît plus qu'il prend sa job au sérieux, puis il joue bien, puis il a l'air de plus aimer ça jouer, puis de plus prendre son rôle de capitaine au sérieux. Ouais, il commence à l'apprendre. Fait que je vais donner mon commence plus à bon Pacioretty. Mais Moutou, bon choix. Je vais faire tout de suite le mien, c'est la même chose. Bon. OK, bon. Ben, moi... OK, je vais commencer par une mention honorable à Galchenyuk, malgré son... Il joue encore comme la merde. Non, attends un peu. Hey, Chris, il y a 7 points en combien, ce game? Il joue pas à game, man. Il y a un point par match. Attends, mais je peux-tu dire, c'est une mention honorable, OK, à Galchenyuk, parce qu'il a fait 6 points en ce game depuis que Julien est arrivé, mais il est encore pas... il est pas là, comme il est pas en tout responsable défensivement. C'est terrible, là. Faut vraiment... Ça s'en vient, en tout cas, on verra. Mais mon plus pour vrai. De toi, le 2 ans. Mais mon plus pour vrai, je le donne à Price. Parce que Price, dans la dernière game, il est revenu. Ouais. Price, puis ça paraît. Ça fait du bien. Ben, je suis fier de toi, Dave, parce que c'est exactement ça que j'aurais pris, moi. C'est ça que tu prends? Ouais. Ouais. Le gars qui est le numéro 31. Pour enrichir ce que Dave dit, dans le fond, Price a une moyenne d'efficacité de 940 depuis l'embauche de Julien. Toi, dans le fond, tu l'as vu samedi quand t'étais au Centre Bell. C'est sa première game qu'il jouait. Je mettrais un moins pour ça que Price commence à jouer parce que le coach est crissé dehors. Non, ça n'a pas rapport. C'est une coïncidence plus que d'autres choses, je dirais. Parce que aucun joueur dans l'équipe. Avec le regard qu'il a fait à Terrier, je pense que c'est une coïncidence. Non, ça remonte au mois de novembre. Ça, c'est la il jouait comme la crise de merde. Il avait une moyenne d'efficacité en bas de 900. Non. Oui. Peut-être. Pas depuis le mois de novembre. Non. De novembre à janvier, là, si tu prends tous ces games, il y avait comme 890. Ça a commencé en janvier, pas au mois de novembre. Là. Mais non, de toute façon, c'est une mauvaise passe. Il a commencé à mal jouer en même temps que toute l'équipe a commencé à mal jouer. Mais de toute façon, là, je peux pas dire que c'est la faute de Price que Sterling s'est fait mettre dehors ou que pas Price a commencé à mieux jouer. Ben, ça, parce que ça, c'est toute l'équipe qui manquait de confiance. Fait que d'après moi, ce qui est arrivé, c'est que Julien est arrivé. Fait que tout le monde voulait comme l'impressionner puis montrer, regarde, Price, il est toujours mieux joué que l'équipe en général. Comment? Price est toujours mieux joué que l'équipe en général. Ah, mais quand l'équipe joue pas trop souvent, à un moment donné, toi aussi, tu viens qu'à, ça vient qu'à t'affecter, je pense. Ça te tente plus d'aller à l'ouvrage. Toi non plus, à un moment donné, t'es écœuré, là, Chris, de tout le temps, genre, être le sauveur. On a eu des saisons de marde, là. Ben là, t'as pire qu'en ce moment, puis que Price, il jouait, puis que le team était mauvais, là. Ouais, mais là, c'est tout le monde en même temps qui était. Puis là, il n'y a plus aucune confiance. Là, c'est normal qu'elle baisse le régime, mais je comprends le point Alex qui dit que, ah, ben là, tout d'un coup, tu m'as joué bien parce que le coach a changé. Ça, c'est une coïncidence. Couchez-vous ensemble, Asti. Non, mais c'est une coïncidence, puis c'est ça, je voulais poser une question. C'est une coïncidence. Tu viens de dire les coïncidences. La question tu l'as dit depuis le retour de Julien. Le premier match, là, deux enfants dans la même phrase différente. De Price, quand tu étais allé, ça me dit, t'as-tu remarqué que son jeu avait un petit peu changé? Genre, tu le voyais-tu? Y a-t-il un gars qui était dedans? Ouais, peut-être un peu plus, là. Ça t'a-tu plus impressionné, ce game-là, de qu'est-ce que t'as vu auparavant quand t'avais callé? Fuck that! C'est vraiment de la merde. La game de plate, de Julien, ça marche pas, là. Ça se peut pas, ça. C'est quoi, ça? Que Julien ait fait tout changer Price. Julien, c'est pas... Julien, il a pas changé la game. Ça ne marche pas. Julien a pas changé... En fait, oui, il a changé, il l'a rendu plus plate en ce moment. Je pense pas que Julien a changé la game du Canadien présentement. L'effet Julien se sent pas encore, ça fait pas assez longtemps. Non, parce que Chris, tu vas pas tout changer de même. L'effet qui se ressent, c'est que l'équipe a été fouettée parce que leur coach s'est fait crisser dehors, puis ils se sont dit, OK, on va attacher nos patins comme il faut, là, puis on va se remettre le nez dans la marde, puis on va jouer. On a bien vu ça, la première game de Julien, à quel point il jouait bien. Exactement. Il y avait le couteau entre les dents. C'est pour ça que je dis ça n'a rien à voir avec le système de jeu. Ça n'a rien à voir avec le système de jeu. Le coach arrive, ça fouette les troupes. Comment? Ça, par exemple, non. C'est sûr que le système de jeu n'a pas changé, mais le move au début, c'est de fouetter les joueurs pour qu'ils arrivent. Qui arrive avec le couteau entre les dents, puis tabarnak, le coach fait pisser dehors, ben là, c'était nous autres à donner... Sous le coup, ça n'a pas marché. C'est ça, non, parce que ça faisait une semaine qu'ils n'avaient pas joué. Ils ont commencé à pratiquer juste une fois avant la game, puis en plus, on a joué contre Winnipeg, qui avait une bonne séquence en plus. Pas dire qu'une semaine de pratique, ça fuck tout leur système de jeu. Ben, écoute, non, si tu regardes... Ils n'ont pas joué cette semaine-là. De toutes les équipes de la NHL... C'est des pros, c'est ça qu'ils font à tous les jours. Non, mais attends, il n'y a pas aucune équipe de la Ligue nationale qui a gagné la première game en venant de son break. Trois équipes sur 30 ont gagné. Trois équipes sur 30. Puis là, tu viens de changer ton coach en plus. Non, moi je mets pas. Je peux pas mettre la défaite de ce game-là sur le coach. Pas la défaite, mais l'attitude que je dis. Ben l'attitude. Les gars, man, sont arrivés puis genre ouais, on a un nouveau coach, ok. Go, allons-y, donnons-y. C'est pas un game changer non plus. C'est pas un game changer que première journée qui arrive, tout change puis le team se marre. Les gars, ils ont commencé à bien jouer quand Price a commencé à bien goaler. Simple que ça. Puis Price goulait mal parce que quand ils ont vu Price commencer à se réveiller, on s'entend qu'on... tout le monde a steppé up leur game. On s'entend qu'on joue une période sur trois depuis le début. C'est pas super. Pour l'instant, je n'ai pas confiance encore que, hey, on a des victoires, mais on est chanceux, on a six gagnants. C'est pas 0-0. C'est vraiment pas tout rose. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on trouve une façon de gagner. Puis tranquillement, pas vite, ça va se placer. Oui, quand on gagne à la fin de la game, c'est clair qu'on trouve une façon de gagner. On va aller parler Siri. On arrive à parler. Écoute Julien dans ses presse conférences de presse après les games, là, puis tu vas voir qu'il est pas satisfait de ce qui se passe. Là. C'est pas genre lui, là, genre l'effort. Il est content que l'équipe ait trouvé une façon de gagner, mais il est pas satisfait de l'effort de ses joueurs. Là. Ça se sent, là. Il Chris, il est pas cave, le gars. Non, il l'a dit. Tu le dis toi-même que c'est un excellent entraîneur, ben Chris. Il le voit, lui, ici, là. Puis il le sait en crise. Puis t'écoutes ses conférences de presse, puis il dit « Ben, on n'a pas donné ce qu'il fallait. Les gars ont trouvé une façon de gagner, oui. On est allé chercher deux points, c'est ça qui est important. Mais c'était pas un bon match. » Non, mais la confiance vient tranquillement pas vite. La confiance a remonté, oui, parce qu'en trouve. Game, sauf que c'est vrai, ça. Puis on rentre en playoff en fin de semaine, là. Et calé ce qu'on se fait ramasser. On rentre pas en playoff en fin de semaine. C'est ça qui est important. Il faut arrêter de dire « Il reste encore beaucoup de temps à se placer. » Il faut arrêter tout faire. Là, on fait un voyage dans l'Ouest. Ça va être un bon test pour nous autres. On est au mois de mars. Il reste vraiment pas beaucoup de temps pour vrai. 18 games, ça va vite. Ouais, mais 18 games, c'est avance de temps pour pouvoir être prêt pour les playoffs. Les équipes qui gagnent en playoffs, c'est les équipes qui rentrent en playoffs avec le momentum. Ben justement, on a 4 victoires de suite. C'est pas grave, on a gagné pareil. Je pense pas que les joueurs soient très satisfaits. Mais là, tant mieux, ils sont pas satisfaits. Je suis d'accord que oui, c'est vrai que 4 victoires de suite, même peu importe la façon dont tu les as gagnées, c'est vrai que ça aide à la confiance, mais ça va en prendre plus quand même. Là. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on va prendre le temps. Je donne la chance aux coureurs. Ça prend une game de 4-5 buts. Et voilà. Ça va bien tranquillement. Ça prend une game qu'on va gagner, genre. Ouais, direct, c'est sûr qu'on va accorder un but, mais qu'on va en scorer. Une game qu'on va dominer, genre de A à Z. Ça va s'en venir. Ça va s'en venir. Demain, là, contre les Rangers, là, ça risque d'être les gars qu'on va affronter en série si on finit premier de notre division. Fait que demain, ça va être une crise de guerre importante. C'est un exemple que je donne. Ouais, oui, mais c'est pas vrai. Puis moi, je donne l'exemple qu'on s'en fait au moins. Fait que allons-y avec les moins maintenant pour la période, Alexandre. Non, c'est moi. On peut le donner tout le monde à Beaulieu, je pense. Ouais, tabarnak hier là. Ben, moi, en plus, c'est ça que je vais dire. C'était pas lui. Mais... Hier, à ligne bleue, il échappait à Puck comme un imbécile. Il fait des passes sur le tape, là, sacoche à l'autre équipe, ce gars-là. Ah, il est fou. Là. Lui, il va jouer les fesses serrées. Là, parce qu'il pourrait perdre, il pourrait être d'un gradin facilement, lui. Là. Ah, il y en a plein moins qu'on peut donner. Man, ben, moi, c'est moi, c'est pas lui. Moi non plus. Vas-y avec ton Je le donne à Shaw. Oh, c'est pénalité stupide. Parce que c'est des petites pénalités innocentes en fin de troisième période. Coûté, ça ben, le pire, c'est qu'hier, c'était en première période, puis ça a coûté le but quand même. Puis tu sais, il a bien beau avoir scoré l'autre fois là, en se fracturant le dos dans la bande. C'était bien beau, c'était le fun. Mais, ouais. Tu fractures ouverte. La frémure, mais. mais il donne pas. Tu sais, il remplace un peu le temps de jeu de Gallagher, parce que Gallagher, il fournit pas. Puis il donne pas l'énergie que Gallagher pouvait donner dans ses bons moments. Puis il score pas, puis il espérons qu'avec la game physique, Gallagher va se réveiller. Il est pas physique, puis tout ce qu'il fait de physique, ça donne des pénalités au mauvais moment. Il travaille quand même, le gars. C'est pas comme si c'était une pénalité, mettons, ça empêche un but, puis c'est une bonne pénalité. Là. C'est tout le temps des estimes de pénalité de merde. Puis quand il se fait ramasser, les autres équipes font pas donner de pénalité parce que c'est un joueur qui... les arbitres le connaissent, man. Puis ils savent comment il joue. Ils vont le laisser faire. Là, il va frapper quelqu'un. Il n'a pas eu souvent, ah, c'est que ça me met ses nerfs. Il est choquant, man. Ouais. Ouais, mais les coachs, ils l'aiment. Je dis. Puis il est pris. Ceci ça, est choquant. Ton moins, Dave. Mon moins. Avec ta bière pas de coup, là. Beaulieu, man. Ouais. Beaulieu, Asti. Ouais. Mais Beaulieu, puis Plekanec et tout, man. Asti qui joue mal. Ah, il est terrible, ça. Pas de bon sens. Je pense qu'il y a 23 points, man. T'as barré avec Alex, hein? Je peux le payer tout de suite. Hey man, non, il me fait capoter. On va attendre mon la fin gars, de la saison. Mais... il me fâche, man. Il s'en va. Hey man, des fois, là, sur la patinoire, on le voit pas. Il est pas là. Quand tu dis qu'un défenseur, tu remarques pas sa job trop, c'est parce que souvent, c'est parce qu'il fait pas trop d'erreurs. Il y a quelqu'un cette semaine qui a parlé de Plekanec, tu le vois pas, c'est parce qu'il fait une job de merde. Là. Je pense que c'est Bergevin qui a dit comme ah oui, il a connu une belle carrière, Plekanec. C'est bon, ok, là, il est fini dans le fond, là. C'est ça, on a du bois mort. Ben, ouais, moi, c'est plus Bergevin qui sait pas comment dire les bons mots. Juste très mal. Ben, ça aussi. Il se trompe de temps de verbe. Mais ben, non, mais ils se trompe de langue d'habitude, là. Mais, Beaulieu, Plekanec, si tu as un défenseur et un attaquant. Ouais, pendant un bout, il y avait toute la gang. Byron, Gallagher, tout le monde était là. Tous les trios à part le premier. T'as dit ton moins, toi, Alex? Ben, c'est ça, dans le fond, c'est Beaulieu. L'équipe sauve le trio numéro 1. C'est sûr, Beaulieu. Jeff. Moi, je vais y aller avec Gallagher parce que si on veut que notre top 6 marche, fait partie du problème présentement. Il est tellement inattendu. Je trouve Gallagher, ça à glace. Là. Écoute, au début, il dit j'ai mal à la main, fait que j'ai de la misère à shotter. Ben, je vois qu'on laisse. C'est ça. Il s'est blessé deux fois à main. Puis il est tellement cave en plus. Ce gars-là, c'est pas une lumière, OK, Gallagher? Là. Comment tu fais pour pogner un fucking ticket en parlant sur le site dans ton truc? Come on, Jeff. Non, mais tabarnak. Ça, là, c'est du papa. C'est des affaires personnelles. Il l'a dit, il a loué un char, il s'en colle. Il a loué un char, il a pas installé son Bluetooth, il a fait son entrevue, il s'est fait arrêter, puis il a même pas eu son ticket. La police, il a même pas donné ticket. Parce que c'était Gallagher, puis ils ont trouvé ça drôle. C'est correct. Sa mère a le honte. Je voulais juste le mentionner parce que ça fait partie de l'actualité. C'est finalement des affaires dont on se colle. Ça fait partie de l'actualité. Tout le monde en a parlé pourtant. Puis tout le monde s'est intéressé à l'histoire. Moi, tu peux t'en coller ici. Je l'ai su parce que t'en as parlé dans le chat. Non, c'est pas moi qui en ai parlé. J'ai marqué, haha, il s'est fait arrêter. Moi, je pense que j'ai jamais lu ça. Puis sur Twitter, c'était trending ce matin-là. C'était trending ce matin-là. Oh my god, man. C'est assez drôle. C'est une histoire farfelue. Je pense que Mallette, il cherche une job à 25 cents. Non, pas partout, ça ne m'intéresse pas. Avec Jean-Thérèse? Mention honorable à Galchenyuk. De toute façon, comme disait Dave tantôt pour Gallagher, j'espère que le but de hier va l'aider à le relancer. Parce que si on veut que ça marche dans le top 6, il faut que Gallagher se mette à produire. Chris, oui, j'aurais tellement pu le mettre. Le mon moins à Gallagher aussi, mais vu qu'il score hier, je me suis dit, moi, il a cette chance. Moi aussi. Voilà. C'est probablement la seule raison que je ne l'ai pas donné à Gallagher. C'est probablement parce que Chris qui est décevant. Je pense que hier. Il fait rien, man. Il n'y avait aucun point en 10 points. Non, mais. Partout, mais tu vois que tu le vois pas. Dans la game, il essaie de travailler quand même un peu. Tu le vois pas. Je pense que son dernier but, c'était le 20. La dernière game, tu le vois pas comme tu le voyais l'année passée. Ah, ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. Ouais, mais là, il a été blessé. Mais là, je pense qu'il fait attention. En début de saison, il était pas écœurant non plus. Non, c'est vrai, il est pas parti en fou. Tu sais, à début de saison, il a du mal à la main aussi. Ben peut-être, man. Peut-être qu'il fait de l'arthrite. Ben deux fois que ça fait péter. De l'astérose pas rose. L'astérose pas rose. Ah, ouais. Tout en métal, sa main, c'est ça. Ben, mais Chris, c'est un métal. Ils mettent un crochet, tu sais, ou sinon, mets-toi un bâton, c'est-tu, puis c'est Captain comme Crochet. Comme en arrière des plantes, une affaire pour tenir. Ah, j'ai plus de bière, on fait ça. Mais on est rendu à la pause, de toute façon. Ouais, on s'en fait un entraque, puis on vient en deuxième période avec les audios et les échanges de Marc Bergevin. On est retour pour la deuxième période. Je vais la remplir pendant. Je vais la remplir pendant les excellents extraits audio de. Remplis ta bière. De Claude Julien et de Marc Bergevin. D'ailleurs, mini call-out à Marc Bergevin. T'as tout fucké mon soundboard, mon estique, tes échanges, puis ton changement de coach, puis dernier qui s'en va. On il est 5 pieds 8, puis il va aller jouer à Edmonton. Ouais. Faut tout en faire le soundboard, et puis on a perdu les sticks. Edmonton. Ben, il reste Paul Byron. Ouais, non, mais pas de Biron. Pas de Biron, mais pas de Biron, on peut pas l'extrait audio excellent, par exemple. Non, il est pas très excellent. Puis quand Julien fait des extraits audio, mais ils sont pas excellents, ils sont juste un peu plates, tu sais. Extrait audio, à partir de parenthèse, avez-vous regardé la conférence de presse de GSP tantôt? Non, il y a un combat. Ouais, il va se battre contre Bisping. Hey, je m'ennuyais tellement de son accent de merde en anglais. Ah, en anglais, il était carré. Puis en plus, il est rendu avec un accent français en français. C'est dégueulasse. Non, mais ça, il a tout à fait ça. Ok, il est dégueulasse. Non, il a tout à fait ça. Quand il parle, on dirait devant le public, on dirait qu'il se force à faire force. Super attention. C'est dégueu dans les deux langues, mais je me délectais. Mais tu peux pas y dire parce qu'il va te casser la gueule. Ouais, il fait des backflips de malade. J'allais croiser d'un bar, maintenant, asti qui est bif. On l'a déjà pris en photo, nous autres, dans un événement. J'ai une photo avec, là. Au Twitter, je pense. Il a fait un selfie avec moi, puis j'y ai dit non, ça, il marche pas mon selfie, genre, ça marchera pas demain, c'est pas comme un iPhone. Fait que ça calisse. Parce que je voulais pas que la photo soit de qualité. Il a pas une photo du mur. Fait que non, il l'a donné à son bodyguard, puis genre, le bodyguard après photo, fait j'ai une meilleure photo. Mais c'était pas vrai. Moi, j'avais un appareil photo pro, puis il a pas voulu qu'on prenne avec mon appareil. Non, il voulait pas qu'on prenne avec une vraie caméra. Non. C'était officiel cellulaire. Fin de la parenthèse. Voilà. Fait que, on a des. Prima Madonna. Il ferait des bons extraits, lui. Après sa première victoire à New York, on a. Je le verrai, coach canadien. Premièrement, il parle de sa première victoire depuis son retour au banc. Écoutez son excellent français. Son retour au banc du CH. Derrière le banc. D'ailleurs. Ça fait du bien pour tout le monde. Tu sais, quand on regarde la façon qu'on a compétitionné ce soir, j'ai aimé son attitude de travail. Puis aussi, on patinait bien. C'est sûr que c'est pas un match parfait. Mais quand tu gagnes un match à New York contre une équipe qui est quand même qui gagne beaucoup dernièrement, c'est une belle victoire. Femme d'ailleurs. C'est drôle parce qu'il roule ses airs, mais pas toutes. Des fois. Juste comme de temps en temps. Ça... Il est quand même plus doux que Michel. Ben oui, il parle moins de la gorge. Il parle mieux en français et en anglais que Michel Delvey. Il parle moins de la gorge. Il a ri des journalistes aussi. Je l'ai pas, par exemple, ça en audio. On l'a pas pris en ça. Non, on l'a pas pris. De quoi, ça? Quand il rit des journalistes, il dit c'est qui ton joueur que t'aimes moins ou je sais pas quoi. C'est qui le moins bon joueur? Puis il dit les journalistes. Ouais, il dit 99% des joueurs, c'est des bons gars. Puis il dit, c'est quoi le 1%? C'est vous autres, les journalistes. Il dit déjà, c'est une joke. Non, il dit déjà, déjà, je vous écœure. Ouais. Mais avez-vous vu l'audio que je vous ai envoyé sur le chat? Non, j'ai pas vu de l'audio. Ça, c'est rare. Ben, je vois de c'est une vidéo, mais. Check, écoute ça. Ah, attends, c'est pas pour jouer. C'est d'or, hein? Claude, ton nouveau club nous garde sur le qui-vive à chaque partie. Il n'y a pas eu beaucoup de chances de marquer quand même ce soir, malgré la défaite. Considères-tu que vous en tirez bien dans les circonstances? Malgré la victoire, tu veux dire? OK, oui. Par exemple, lui, sa force, c'est ses faces. Il fait un sourire écœurant. Il y a comme juste les palettes d'en haut de même. Il a l'air de boule. Ouais. Deuxième extrait, il va parler de la performance de Carey Price contre les Rangers. Carey continue à être le Carey Price qu'on connaît bien. Les deux matchs que j'ai dirigés, d'ailleurs, il était très solide. Dirigé. Et puis ce soir, dans un match comme celui-ci, c'est un gardien comme ça qui nous donne une chance de gagner. C'est drôle, on crée juste le son. Hein. Ouais, juste le son, c'est plus drôle. Mais je l'aime, mais tu l'écoutes en entrevue, genre à la télé, puis ça a l'air normal. C'est bien correct, mais juste le son, tu fais comme ah, ben ça, tu vois, t'accroches. Ben, tu sais, je te dis que n'importe quel joueur ou personnalité de hockey, sans le vidéo, juste le son, c'est tout le temps un peu spécial comme ça. Soudique, ouais. je dirais pas ça. son dernier extrait, encore pour la victoire, il parle de la fusillade. Qu'on vous rappelle que Brian Flynn a été le premier tireur pour le CH à cette fusillade-là. Fait qu'on écoute ce qu'il a dit. C'est correct. Non, j'ai tout simplement dit à Kirk, tu es entraîneur associé pour une raison. C'est toi qui vas choisir les tireurs. Et puis, on avait quand même les résultats des gens en haut, mais je voulais que lui dirige ça parce que j'étais pas assez connaissant des joueurs de ce côté-là. C'est lui qui s'en est occupé. OK, mais attends un peu. Parenthèse par rapport à ça. Là. Oui. Tabarnak, Kirk. Flynn? Ah, mais il y a c'est lui qui est le meilleur. Qu'est-ce qu'il a vu, Flynn? C'est lui qui est le meilleur dans les shootouts. En pratique. Ouais. En pratique? Ouais. Ah, mais, mais c'est le même qui vit de base. Ils sur l'ont les mis souvent. Michel le mettait souvent et tout avant. Des games? Ouais, ouais. Que c'est la première fois que je voyais Flynn, je pense, à la glace. Il a fait quelques apparitions. Ouais, puis il avait par-ci, par-là, genre. C'est parce que dans pratique, ils vont pratiquer les shootouts. Il paraît que c'est un des meilleurs. Oui, des shootouts. Non, mais c'est un des meilleurs en breakaway chez Canadien avec Byron. Byron, combien de buts qu'il compte en échappé? Je te le dis! Hein? Byron, il compte plein de buts en échappé. Oui, mais en show-out et en échappé, c'est pas la même game, man. Non, je suis pas d'accord. C'est le même principe. En pratique, il part tout seul avec le même principe. On dirait que quand genre tu pars, t'es déjà dans ton élan. C'est pas la même chose, hein? Ben, c'est quand plus rapide en échappé qu'en shootout. C'est vraiment pas pareil. Échappé, t'as la vitesse. D'aller plus aussi. T'as le momentum, t'as genre. Là, t'es comme arrêté, puis là, c'est comme. T'as un arbitre qui te regarde. Regarde le goaler. Es-tu prêt? Oui. Là, il siffle. Là, tu pars. Ah non, c'est pas pareil. En cheval? Ouais, il part en cheval. C'est comme Link sur son cheval. Hey, c'est d'actualité que tu dises ça aujourd'hui. C'était effrayant. OK. Good job, Dave. Bon, ensuite, là, on va parler de la conférence de Marc Bergevin. En fait, sortez vos bécherelles et vos dictionnaires, tout le monde. Sortez vos bécherelles et dictionnaires. On va corriger les fautes de français de Marc. Mais avant ça, parlons un peu de ces échanges qu'il a faits. Donc, premier échange entre Montréal et Dallas. Jordy Benn, défenseur de 6 pieds 2, 200 livres, 29 ans, pour Greg Patterson. Bon débarras, Carlis. Le gars qui est la blonde et chialeur. Un de mes échanges de termes préférés, je pense. Sur ce que tu viens de dire, là. Il y a un choix quatrième ronde. Craig Patterson joue sa troisième paire à Dallas, tandis que Jordy Benn jouait sa deuxième. Deuxième paire? Ouais. Mais c'est probablement un des échanges que j'aime le mieux. Ça. Ouais, moi aussi. Là. Pour parce sa que Ben, barbe, là, ben hein. Honnêtement, ouais, sa barbe vaut de l'or, premièrement. Ouais. Sa barbe en abeille. Ben, il a beaucoup plus d'expérience, puis il est égal à Patterson en tant que talent. Ouais, mais ce gars-là fait pas vraiment de mauvais jeux. Non. Il est pas extravagant, il est pas fou raide. Il y a eu des statistiques. Quand tu laissais Patterson, il fait bien. Quand tu laissais Patterson dans l'alignement un bout, il commençait à bien jouer. Ouais, quand tu joues au yo-yo avec ce gars-là, il n'y a pas de caractère. Il était sûr qu'il était prêt à sa galerie de presse. C'est fragile. Même chez eux, ça reste pas lui qui a le caractère. Moi, j'ai vu. On l'a vu. Clairement pas, mais j'ai vu qu'il y avait des stats qui sortaient quand il y a eu l'échange. Puis Patterson, il y avait des meilleures statistiques, mais c'est parce que. Je trouve que c'est un peu bidon parce qu'il jouait pas assez. Ouais. Tandis que statistique. Ouais, ben sur bien des points. Non, plus. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sort des tableaux de Corsi. Le Corsi, mais entre autres, là, mais il y avait aussi des revirements, puis les entrées de zone, puis tout ça. Puis c'était meilleur, mais en même temps, si Patterson jouait pas. Fait que si tu joues une game de temps en temps, puis tu joues avec le couteau entre les dents, ou un joueur régulier. Dallas sont pas très bons cette année. Dallas sont solides. James Benn, il y a 300 matchs. Mais je suis amplement d'accord avec cet échange-là. Puis Benn, en ce moment, 1,1 million sur la masse salariale pour encore deux saisons. Puis tu sais que Patterson gagnait quoi, 800 000 à peu près? On risque de perdre. On n'a pas été chercher. Mais il est bon encore un an. On protégera pas. Non, mais on protégera pas. On protégera pas. Il pourrait perdre par le repêchage, mais on n'est pas rendu là. Si, OK, avec Vegas. Mais bon, avec Montréal, il peut sortir de l'ombre de son frère Jamie, là aussi. Ouais. Parce qu'ils jouent dans le même team, les deux, je pense, c'est ça? Ouais, les deux jouent dans le même team. Ils ont toujours joué ensemble. Ah, ben là, moi, vraiment, sa barbe m'impressionne. On dirait comme une barbe en abeille. C'est une belle barbe. Une grosse barbe dense, là. Une belle barbe rousse. Ah ouais, ensuite, Montréal et Edmonton. Elle est rousse, man. Barbe rousse. On a envoyé... Ike, elle est rousse. Le petit darnet Edmonton contre Brandon Davidson. Ouais, ça, je suis content. Un défenseur de 6 pieds 2, 210 livres, 25 ans. Je m'en fous du joueur. Hey, David, on s'en va. Puis là, on a sauvé quoi? 2.4 que ça amasse? Ouais. C'est ça qui est important. Davidson est 1,3 million sur la masse salariale. Puis 3.5. Ouais. On a retenu une 2.2. Juste pour ça, c'est un bon mot. Bravo d'avoir réussi à l'échanger contre un joueur. Dernier présentement, c'est la troisième ligne avec Zach Cajun à Edmonton. C'est correct. Ils vont être sur le coco avec. Non, mais c'est sa place. C'est sa place, la troisième. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il avait suivi la carrière de Davidson et qu'il l'aimait bien. Qui a dit ça? Moi, je me souviens pas. C'est qui a suivi la carrière à Davidson? Je sais pas. Tabard. J'ai fait ça, les alertes dans les chances de Davidson. J'ai beaucoup la carrière de Davidson, puis je trouve que c'est un bel échange. T'as beaucoup de temps libre. Ouais, pour de vrai, c'est un défenseur qui a joué une coupe de... Ben, il a pas joué les saisons complètes. C'était ma défenseur des Oilers l'année passée avec Sakara. Ouais, mais il a pas joué la saison complète. Ouais, joué l'année passée, oui. Non. Mais quand tu parles de la défensive des Oilers... Ensuite, c'est bon pareil, il jouait 20 minutes, là. Ouais, ouais, mais qui. Next. Donne-moi un autre défenseur. Ah, là, il n'a pas joué toute l'année. Après ça, on est allé chercher le gars. À part lui. Le gars qui aime bien le style défensif du Canadien, c'est-à-dire Carey Price, Steve Ott. C'est de la merde. Centre de 6 pieds, 193 livres, 34 ans, contre un c'est de la choix de 6 ben lui, lui, ça va. Ben lui, ça va être pour brasser. C'est caractère dans la série, man. C'est de la merde. C'est ben correct, man. Non, c'est pas. Un centre de 4e trio qui a pas enlevé McCarron de là. Après ça, t'as cherché. Pogné par Rose. C'est de ouais. La merde. Non, non, c'est pas par Rose. Non, non, c'est pas lui, mais. C'est vraiment pas par Rose. Je suis pas d'accord. Non, mais au moins, ça a pas coûté cher, mais. Ça sert à rien, ce joueur-là. Il jouera pas. On en parle après bientôt. Oui, je pense qu'il va jouer un peu. Ouais, c'est là qu'on en parle des échanges ouais, de Bergevin. C'est pas là qu'on en parle. Non, on connaît pas le pacing. Non. Mais vas-y, mais tu peux en parler là si tu veux. Mais... OK, on va en parler. Après tantôt. Ça, on a cherché des Kings, Dwight King. Ça, c'est bon. C'est l'Omerta ici. C'est comme 9 audios de Bergevin qu'il faut éclencher. Dwight King, je suis bien content. Ouais, moi aussi. Ça n'a pas coûté ça. Il est gauche. Mais il n'a rien fait. Un gars 3. Ouais, mais il était. J'aime les stats. Dwight King. Ailier gauche, pied 4, 229 livres, 27 ans. Bon, pour un choix conditionnel de 4e ronde en 2018. Deux Coupes Stanley. Puis le choix conditionnel, c'est que si... 3e ronde, s'il signe avec le CH aussi. S'il signe avec le CH, ou même, si mettons, si les Canadiens se rendent en 3e ronde, c'est un ou l'autre. Comment? Si les Canadiens se rendent en 3e ronde, c'est un choix de 3e ronde pour les Kings, ou s'ils re-signent, c'est un ou l'autre. On le signe pas. Puis le dernier move qu'on s'en calisse... Parenthèse, son chien s'appelle Abs. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est cool. Mon sou, ouais, on s'en compte. Il vient-tu de l'acheter aujourd'hui? Non, non, il l'avait avant. Non, non, il a déménagé. Il l'a mis dans son sac. C'est un petit cul de sac. J'ai vu une image de genre un concours de chiens. Il faisait un concours des chiens des joueurs des Kings. Moi, je l'ai vu. Si moi. Non, j'ai pas vu ça, mais je l'ai vu dans un sac de sport, son petit cris de chien. C'est vrai qu'il est watching. Je sais pas, j'ai vu ça passer sur Twitter. Je m'en calisse. Je suis en semaine de relâche cette semaine. Regardez, j'ai checké des dernier move, on s'est débarrassé de Sven Andrighetto. Contre Andreas Martinsson. Wow. Ah, c'est correct. Ça, là, c'était un beau débarras, mais en même temps, on s'est ramassé avec un gars dont je me calisse en même temps. Là. Hey, Martinsson, là, il a l'air de n'importe quoi. Il est plus efficace que Andrighetto dans l'équipe. Je me demande honnêtement s'il va jouer. Non, mais notre quatrième ligne, notre quatrième ligne peut vraiment avoir une ligne de défoncer. Tu sais, on peut défoncer l'autre équipe. C'est pour ça que j'ai mon ligne. C'est une si grosse ligne de beef. Oui. Oh oui. Tu mets Martinsson, Hutt, puis McCarron. Mais moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème tant qu'il nous coûte pas. Ouais. Ah, ils coûteront rien. C'est juste que non, ça non, va pas, dur pas, à pas, jouer. Non, pas en salaire. Je pense pas que c'est des gars de pénalité. C'est juste des gars qui gagnent le bataille. Ah, c'est pas un gars de pénalité, ça. C'est ben, check le nombre de pénalités qu'il y a en carrière, c'est through the roof, man. Cette année, il n'a pas gros. Cette année, il n'a pas gros, qu'il ne joue pas. Ouais, il n'a pas joué. Fait qu'avant de juger, il a joué 53 games avec Détroit. Ah ouais? Ben ouais. Ah ouais, mais avec Détroit, tu l'as dit. Non, mais avec Détroit. Ben tabarnak, Asti, Zetterberg a joué 54 games. C'est ça, mais tu l'as dit avec Détroit. Ok, on a 9 audios, les gars. Les gars, il faut écouter Jean-François. Avant de juger le travail à Bergevin, on va le laisser s'expliquer sur son travail, justement. Premier extrait, il va parler d'ajouter du poids parce que là, le Canadien s'est grandi et grossi par les échanges. C'est-à-dire, on écoute ce qu'il a à dire. Dans un français impeccable. Ah, c'est de toute beauté. Période des échanges, c'est une période où que tu combles des besoins. Alors, à l'interne, on voulait combler un besoin des joueurs plus physiques. Il y a raté, plus gros Bergevin. Toujours en gardant un peu de vitesse sans perdre la vitesse. Alors, on n'a pas perdu de vitesse, puis on a rajouté du poids à notre formation. Dwight, là, Dwight King, en fait, on l'appelle par son nom de famille. C'est un train, ce gars-là, c'est-tu. Ah oui, il patine quand même pas mal. Là. Il patine, c'est un gars qui est rapide. Puis le monde, pourtant, sur Twitter, disent que c'est un gars qui est très lent. Ah ouais, moi, à Games Art, je l'ai trouvé lent. Ben, tu sais, il faut aussi donner une chose. C'est sa première game avec Montréal. Ils vont lui donner un petit peu de temps aussi pour s'adapter. Ouais, peut-être, mais en tout cas, moi, hier, je trouvais qu'il avait l'air lent. Comment, là, ça part pas. Ben, pas besoin d'arrêter ton coup de patin. Tu patines vite, tu patines pas vite. Non, mais il y a un bon coup de patin. C'est correct, moi, non, mais ça part pas. J'ai l'impression qu'il était pour un gars de sa grosseur, il est rapide. Pour un gars de sa grosseur, il est correct. C'est pas la tendresse, mais il est plus rapide que la normale. C'est pas la tendresse, genre, il est plus slow que la tendresse? Non, c'est pas la tendresse. On en dit que la tendresse, il est gros, il est slow. Même. C'est le contraire de lui. Des cuisses molles d'un jean serré. Oui. Est-ce la tendresse? Après ça, Bergevin parlait d'ajouter de l'expérience en série. Ouais, le but avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, surtout en Dwight King avec deux Coupes Stanley. Deux fois? Puis Steve Ott, qui a beaucoup de séries, je pense que 60 parties dans ce coin-là. C'est RDS. Alors, il est en prison. Alors, nous aide un peu de ce côté-là avec l'expérience pour les séminatoires. Ouais. Pas aussi go réclamer 200. Malheureusement, je peux pas enlever les overlays de RDS. Non, c'est parce que c'est ça, il montrait des séquences de Steve Ott pendant qu'il parlait. J'aurais préféré Steve Ott! Pour les fans d'Arrested Development qui nous écoutent. Bon. Après ça, et on va parler de la production offensive avec Bergevin. C'est certain qu'on a regardé d'améliorer du côté de la production, mais comme on le voit aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a bougé de ce côté-là. Alors, à travers la Ligue nationale, pas seulement à Montréal. Aussi, au début de la saison, pendant une bonne partie de la saison, on avait du succès avec nos quatre trios à produire. Puis on s'attend avec la confiance qui revient tranquillement au sein de la formation que ça va continuer dans ce sens-là pour avoir de la production sur tous nos trios. Bergevin, il est dû pour une coupe de cheveux. Hein? Ben, il est dû bien des affaires, je veux dire. Il avait l'air tellement en tabarnak dans sa conférence en bus. Ah oui, man, il avait l'air gris. Il a pas dû dormir gros, mettons. Ouais, c'est ça. Il avait l'air brûlé. Puis l'échange de hot s'est fait à minuit le soir. Ouais. Puis à 6 heures, ça veut dire que tu dors pas bien, ok, je vais faire ça. Ah, c'est ça. Tu couches les 2 heures du matin. Ah, il avait l'air irrité là, des questions des journalistes. Ça, genre, ben, il y a Philippe Quentin qui a posé 3 questions, là, puis il n'y a pas l'air d'avoir de l'amour entre les deux. Bon, là, bientôt, mais avant celle-là, justement, il y en a un autre. Il parle du meilleur moment pour faire une transaction. Je te dirais, pour la paix. Écoutez, les respirer au début. Je te dirais, pour la période d'échange, si tu es une équipe qui achète, comme beaucoup d'équipes cette année, les prix montent. Alors, c'est difficile parce que tu fais attention un peu avec tes choix et tes jeunes prospects. Puis, la période du 1er juillet, les contrats les plus qui ont fait le plus mal aux organisations ont été donnés le 1er juillet. Alors, la journée que tu rentres le 1er juillet et tu te dis « I need that guy », tu es dans le trouble. Alors, faut que tu te mettes tes limitations puis tu restes dans ce paramètre-là. Mais ouais, au moins, il respecte ce qu'il dit. Ah, j'aime ça ce qu'il dit, ça. Ben, en même temps, il dit les vraies affaires. C'est vrai. Mais il y en a des directeurs généraux. « I need that guy », puis il y en a plein qui l'ont fait. Là. Benoît Poulier. Lui, au moins, ici, il sait pas faire ça, tu sais. Bon, là, on l'a, Jeff, la question que Quentin a posée. Ça n'amène pas le bois mort. Quentin a demandé à Bergevin s'il allait prendre un risque un jour. En gros, c'est ça la question. Parce que là, il n'aurait pas dit « je ne veux pas sacrifier la jeunesse », puis blablabla. Puis là, Quentin, il l'a remis d'en face. Un jour, va-t-il être prêt à le faire, justement, pour améliorer l'équipe? J'ai aucun problème avec ça. Je pense, dans le passé, j'ai pas peur de faire des gros coups. C'est juste le prix à payer. Puis si je vois que ça peut aider l'organisation, je vais le faire. Mais si je vois que ça n'aidera pas l'organisation, je le ferai pas. Faire une mauvaise échange, c'est très facile. Une mauvaise échange. Ben, je pourrais en faire des mauvaises, mais on n'avancera pas de l'avant non plus. Tu sais, avancer de l'avant. Il avait raison. C'est féminin. Non, mais ça veut dire qu'il demandait Galchenyuk pour Duchesne. Fait que dis, gars, c'est juste latéral. Ils ont sorti ça à Sportsnet. Il l'a dit, là. Tu sais, ce qu'il demandait pour Duchesne, là, c'était Galchenyuk, Sergachev, puis leur choix de première ronde. C'est ça. Fait que dis, je fais un move. Il faut-tu être arriéré, tabarnak, pour demander ça? C'est un move de côté, parce que Galchenyuk. Ça pourrait quasiment être pareil. C'est ça. T'améliores pas. C'est justement pour aider Galchenyuk qu'on amènerait. C'est facile de demander trop cher. Justement à ce temps-ci de l'année. C'est ça, mais ça va coûter moins cher. C'est ça, genre, joueur un point à mentionner là-dessus en troisième période. Après ça. T'es un esti troisième période de line-up. Hein. Nous autres, dans la troisième période, on parle pas. Troisième période, elle va durer une heure. Jeff, il part. Nous autres, on dit rien. Son cartable. C'est sûr, en général, c'est moi qui fais le pacing. Il n'y a pas 3 pages de pacing d'habitude. Tu as des notes. Après ça, Bergevin parle du facteur Vegas. C'est certain qu'on a regardé ça de près, mais à la fin de la journée, le but ultime, c'est d'améliorer l'organisation de l'équipe. Aussi, écoute, on va perdre un joueur, c'est certain. Alors, juste un. La journée qu'on va prendre la décision pour la livre de protection, on va voir où est-ce qu'on est rendu, dépendant des rendements des joueurs d'ici à la fin de la saison. L'autre chose que je voulais te demander, c'est à propos des. Tu as décidé de rajouter du coffre à ton équipe. Est-ce que tu as l'impression de revenir un peu au même constat que l'année où tu étais allé chercher Douglas Murray puis George Parros? Si tu regardes en arrière, tu peux dire que oui, mais à la fin de la journée, encore là, tu regardes aussi ce que tu donnes pour avoir ce que tu vas chercher. Fait qu'on, nous, à l'interne, on ne sent pas qu'on a donné le noyau de l'équipe pour faire ces transactions-là. Alors, on a juste rajouté un élément qu'on trouvait qu'on avait besoin. Et voilà. Moi, je trouvais que c'est un bon point de presse, direct to the point. C'est ça. Donc, peut-être là, moi, je l'écoutais à la radio, fait que je voyais pas ses expressions faciales, mais à la radio, ça. Il y avait un open mic qui était de même. Ah oh, oui, il y avait le micro dans les mains. L'autre, le premier, il a fucké. Ouais, le lutin. Ah, c'est pour ça que j'ai pas vu ce bout-là. Il marchait pas. Il y en reste deux, puis celle-là, c'est une de mes préférées, parce que là, il va parler de où se situe Beaulieu avec l'ajout des deux défenseurs gauchers dans le club. C'est bien répondu. J'en reviens pas, là, il s'est dit. Dans les top 8. Ben, c'est bon, parce qu'il le donne à rien. Ben, comme si tu regardes l'ajout d'hier, c'est à top 6. Oui, mais il y a du monde qui sont ajoutés entre-temps. Là. Écoute, des défenseurs, moi, tu le sais, parce qu'on a 8 en ce moment, mais ça arrive très vite. Une journée, tu as 8 défenseurs, puis tu dis t'en as trop, puis 10 jours plus tard, tu en cherches un quelque part. Alors, c'est une profondeur qui, pour moi, c'est un luxe, surtout vers la fin de l'année. Vers la fin. Si on peut rentrer dans les séries, on aurait besoin de tout le monde. Ben ouais, mais à quoi tu t'attends qu'ils disent « Ah, oh, c'est mon quatrième, troisième, alors, deuxième. » Ils ne donneraient jamais de position. C'est ça. Surtout pas de la main qui joue qu'on lisse. Je pense que c'est le premier, que tout le monde sait, c'est Weber. Ah, c'est ma première défense. Mais tu sais, quand c'est un gars de même qui a peut-être sur le trading block, tu vas fermer ta gueule. Ben, c'est ça. Il est dans mon top 8. Ah, Beaulieu. Ah, si, il est dans les top 8. On va le renvoyer à Hamilton. Ben, pas à Hamilton, mais à Saint-Jean. Et le dernier extrait qu'on a pour Bergevin cette semaine, il dit « Pourquoi Steve Ott, encore une fois, Marc, a de la misère à rester dans une seule langue? » Écoute, un joueur que Kurt Muller était avec à Saint-Louis. Alors, j'ai eu des bons rapports de Kurt. Face-off, tu as des punitions, du caractère, un peu de sandpaper, comme on dit. Sandpaper. Puis pour l'instant, tu es capable d'avoir plus que 23 joueurs. Alors, il va y avoir une discussion avec Claude et les entraîneurs demain. Je ne sais pas son utilisation, mais écoute, le prix à payer, nous autres, on trouvait que c'était important d'avoir un joueur pour ça, pour aider l'équipe. Il y a beaucoup d'intangibles aussi, intangibles. That doesn't show on the scoreboard. Et voilà, on a secret help our hockey team. Il est parti. C'est parti. Aïe, aïe. Fait que bah, la période se termine maintenant. D'ailleurs, faut je suis plutôt de bon soundboard. Voilà. Good timing. Et on va se le soundboard. Qu'est-ce qui se passe? Ben, non. Calice. Ah non. On a sorti l'iPad 1. Il y a eu trop d'audio. Mais ouais, on finit la période là-dessus. Êtes-vous satisfait du travail de Bergevin, dans le fond, de sa période des échanges? Avec le marché, comment c'était? C'est-tu exceptionnel? Non. Ben, c'est ça. Est-ce que le marché permettait plus? Non. Fait que oui, ça fait parce la bien. T'as vu toutes les autres équipes, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est très polarisé, les arguments par rapport à Bergevin. Mais là, il y en a qui sont bien contents, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont contents. Non, mais la question est congé. Il y en a qui sont pas contents que les autres soient contents qu'il ait fait. À la fin de la journée, c'est à la fin de la journée, le temps. À la fin de la journée, la question c'est t'as-tu gagné plus que t'as perdu? La réponse c'est oui. Est-ce que le Canadien a un meilleur team avant? J'aime ton raisonnement. Après. Mais calé, c'est vrai. On a le même crise de team. À peu près, on a un peu plus gros, on a moins. Qu'est-ce que ça va? Puis on a rien donné. C'est un beau commentaire, ça. On a rien donné. Écris ça. On écrit-tu? On va faire un livre. On a échangé des gars. On a échangé des gars qui passaient leur temps dans les On a échangé du bon mort, anyway. Puis des choix de sixième ronde, on s'en contre call ici. Non, c'est ça, parce qu'on a cinq choix de deuxième ronde dans les deux prochaines années. En 2018, je pense qu'on a genre... Cette année, on en a deux, l'année prochaine, on en a trois. Ouais, c'est sûr. Ah, mais on va en trader. Probablement. Quand même, on n'a pas échangé rien de gros. Ben, non, moi, ce que j'aime de l'échange de Jordy Benn, c'est que c'est un upgrade sur Pattern automatique. Ouais. Ce gars-là va être fiable, puis je pense que c'est un bon partner pour Beaulieu, d'après moi. Ça dépend si Beaulieu va faire l'alignement. C'est surtout ligne. Il va aller faire la ligne à la tour, dans la tour du CH. Brandon Davidson. Ouais. Yeah! Brandon Davidson, là, j'ai lu ce que les scouts disaient d'Edmonton de ce joueur-là, puis c'est un défenseur. Davidson, ça? Ouais, Davidson. T'as lu les rapports de scouts? Ouais, mais dans le fond, je voulais savoir c'était qui ce gars-là, si je ne le connaissais pas. J'ai tabarnak, les gars, vous faites quoi, c'est? Ouais, je travaille, je travaille moi avec. En lisant les rapports de scouts. J'ai perçu les rapports de scouts par fax à sa job. C'est ça. Oh, c'est Marc, puis il manque que c'était en pense. C'est ça, quand tu m'as dit, j'étais dans son bureau hier, esti, puis il t'arrête de me vendre un char. Attends une minute, il appelle. C'est Toronto, esti. Il appelle Toronto. Parlait avec Chris Nyland. Non, c'est ça, mais c'est un gros défenseur. Il est jeune, il a juste 25 ans. Puis en plus, il est mobile, il sait patiner. Puis oh, c'est pas un défenseur qui va frapper puis qui va tasser le monde. 25 ans seulement. C'est quoi son prénom? C'est Brandon. C'est pas un défenseur qui va faire la grosse. Brandon ou Braden? Brandon. Brandon. Brandon. C'est pas un défenseur qui va faire des grosses mises en échec à la Gamelin. Ben, d'après moi, c'est un défenseur qui pourrait, dans le meilleur des mondes, être un gars qui pourrait prendre la place d'un Emlyn, par exemple. Parce qu'il est beaucoup plus responsable défensivement. Emlyn, il joue mal à tabarnak. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Hey, il fait des passes à la palette des autres joueurs. On parlait de ça de Beaulieu, là. Mais est-ce qu'il est dur en bas, ça va être marqué le nombre de gameplay. Il a joué 91 games dans la Ligue nationale. C'est ça. En 3 ans. Fait que c'est un beau projet qui nous a coûté un joueur qu'on allait perdre anyway à la fin de la saison en David Dernais. Fait que je suis bien content de Davidson. Il y a une passe. Steve Ott, là, je sais que Dave, t'étais pas content de l'avoir. Ça t'impressionnait pas trop, mettons. Non, j'ai pas dit que j'étais pas content. Ça t'a pas impressionné. J'ai dit que pour moi, c'est pour moi les deux échanges que j'ai préféré avec Montréal, là, pour moi, l'upgrade avec Montréal, ça a été Dwight King. Yeah. Pour moi, c'est un upgrade. Puis Jordy Benn. Ça, c'est mes deux échanges. Le jeune défenseur, tu sais vraiment pas aussi quoi ça. Ott, honnêtement, je m'en calisse un peu. Martinson, je m'en calisse pas mal. Genre... Je m'en crisse totalement, en fait. Le sac. Puis Davidson, on verra. Moi tout, je pense c'est ça. Va faire mais Steve Ott, c'est le gars qui jouait le plus souvent à Détroit en désavantage numérique. C'est un spécialiste de ça. Good for puis him. Man. Ce que j'aime de Bergevin avec tous les deals qu'il a fait, là, c'était quoi notre plus gros point faible à Montréal à date, là, mettons, des derniers 3 mois? Là. C'était le désavantage numérique. Fait qu'il l'a amélioré. Ben, il tue des punitions à Dallas. Et puis Steve Ott, c'est un gars qui tue punition à Détroit. IGF. En plus de ça, c'est un spécialiste des mises au jeu. Tu sais ce qu'a fait Steve Ott aujourd'hui à la pratique? Des mises en jeu. Il a passé quasiment toute la pratique avec Galchenyuk pour lui donner des trucs pour les mises au jeu. Mais regarde, moi, je vais te dire une chose. Là. Check les pratiques. Le temps nous le dit. Hein? C'est ça, mais moi, je fais juste te dire les spectres. Le reste temps-là va faire un meilleur deal que mon char. Ce que j'aime, c'est que tu peux adapter l'équipe par rapport à qui tu joues maintenant. Tu peux mettre du gros beef ou tu peux l'enlever. Tu peux c'est jouer ça. Même, tu peux polyvaler un peu aux stéroïdes. Dwight King, il a coûté le même prix que Ginla, il a coûté pour. En plus, ce qui est cool, c'est que ta quatrième ligne, tu sors un petit sac blanc, puis genre, tabarnak, tu défonces tout. Mais il doit en avoir une coupe dans le vestiaire, ils ont des petits sacs blancs. Dwight King, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, je parle des partisans. C'est un métis. C'est un. J'en ai pour quelques secondes. Non, t'as dit c'était en 3. Ce gars-là, là, je sais pas si vous avez écouté les playoffs dans le temps que les Kings ont gagné la coupe 2 fois. Là. Non, oh yeah. C'est un facteur important. Le gars, là. Le gars, là, il avait tout le temps le nez sur le net, Esti, puis il comptait des buts, des trash goals. Mais des buts qui se comptent aujourd'hui dans la Ligue nationale, dans les playoffs, c'est exactement ça. Mais moi, je suis content parce qu'on l'a eu gratis. Ah, ben, Dwight King, c'est un des, je te l'ai dit, c'est un des échanges que je préfère. C'est un Delwis en plus gros. Ouais, c'est ça. Non, Dwight King, je suis super satisfait de l'échange. C'est le deuxième meilleur échange. Jordy Benn, c'est une très belle acquisition. Les autres, c'est. Puis les autres, c'est comme indifférent. Andreas Martinsson, dans le fond. Sven Andrighetto, anyway, là, il y en a des milliers de. Non, c'est correct. Mais c'est correct, mais tu sais, je me calisse à peine moins de Martinsson que je me collissais d'Andrighetto. Tu comprends-tu la nuance? C'est ça, mais ce qui est le fun avec. C'est pas comme. Je fais pas comme. Tu sais, Andrighetto, je m'en collissais. Avec Martinsson, je m'en calisse un petit peu moins. Ben, Martinson, c'est juste, ça va donner une dimension différente. Je sais pas comment si on a Martinson! Non, mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que tout le monde... Ça bol? Il va pas être une veine dans le monde. D'après moi, la raison pourquoi tout le monde se fout de lui ou dit « Ah, crise d'échange de merde, voyons donc, si ça, ça... » Personne ne savait c'était qui Andreas Martinson avant qu'on annonce l'échange. Ben, c'est sûr, Chris. C'est ça, ben, sans le connaître, on va lui donner la chance. Puis d'après moi, ce gars-là pourra amener une dimension qui est différente sur le quatrième trio. Demain, il va probablement même jouer. Je vais redire ce que j'ai dit. Le temps nous le dira. C'est ça. Ben, il faut que tu sois plus optimiste. Quoi? Faut qu'on soit optimiste. Hey, je suis pas pessimiste. Optimiste. Excusez, je sais, c'est ça que je te dis. Je suis pas pessimiste. C'est je te dis juste que je suis pas bandé Martinson. Puis je suis pas... Je m'en calisse. Ces gars-là, les gros joueurs, là, ça mal. Coûte super cher habituellement sur le marché. Puis Bergevin, ils ont eu pour des totalement. Il y a Seb Brutal dans le chat qui dit que quand que Petrie est arrivé avec le CH, personne ne le connaissait. Excuse-moi, là, c'est pas vrai que personne connaissait Petrie. Le Seb, là. Il y a beaucoup de monde, je dirais que... T'as bu un peu ta bière Iron Maiden. Parce que 60% du monde peut-être ne le connaissait pas, je pense. Voyons donc, pas connaître Jeff Petrie. Tout le monde l'a vu jouer? Ben oui. Moi, c'est l'échange que j'étais content. C'était un top 4 défenseur. Ah ouais, c'était un gros défenseur. Ben, non, mais je suis d'accord sur une chose. Je pense qu'il parle des Stéphane. Ben, je suis d'accord sur une chose. C'est que, ouais, ben des fans qui connaissent pas le hockey. Mais Petrie de. Mais on connaissait beaucoup plus Petrie que Martinson, par exemple. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ben oui, mais oui, Petrie, il n'a rien à voir. Tu regardes ça, il a joué 110 games. Il a 7-11 passes. Martinson? Il est agent libre à la fin de l'année aussi. Fait que ça va pas nécessairement dire qu'on va le garder. Un gros gars, quatrième trio, tu sais, c'est. On le prend. Scout 5 buts par année. Tu vas chercher du poids. C'est ça que tu vas chercher quand tu vas chercher un gars. Ça va donner du momentum au club. Ça va chercher de la place aux petits joueurs. Puis, avant la date limite des échanges, je dirais, mettons, avant cette semaine, notre quatrième trio, il était à chier. Fait que là, avec ça, je pense que ça va nous aider à aller jusqu'au bout à la fin des séries, d'après moi. Ça va être tout ça par la période. Et voilà. Ça aussi. OK. J'ai plus de bière. Ouais, mais ça va être la période. Fait qu'on va faire un entracte, puis on vient pour la troisième période avec Around the NHL. On va couvrir les grosses transactions de la ligue. C'est maintenant le tour. Qu'est-ce que je veux dire? C'est maintenant quoi? Jeff va s'endormir sur son micro. Je fais ce qu'il y a à Chris cette semaine. Jeff, c'est maintenant le. C'est maintenant le. On est retour de la troisième période. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. T'es over-hypé, mon gars. Je me prime moi-même. Bon, fait que là... prime! Jeff, Jeff nous a fait une belle petite liste. T'es aussi primé qu'Amazon Prime. Pompe pas là-dessus. Ah ouais. Jeff nous a fait un résumé des transactions de la Ligue. Fait que je propose que je les lise toutes parce qu'il y a comme une page de transactions. Puis après ça, on pourra en parler. C'est juste les meilleurs, ça, en plus. Ouais. C'est juste les meilleurs? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de caca qui s'est échangé hier. S'il y a des genre Andreas Martinsson. S'il y a des fans qui nous écoutent live, allez sur la page Facebook de la soirée du podcast. Jeff a mis la liste cet après-midi ou à 5h, je pense. À 5h. De tous ces échanges que si je vous envoyais d'ailleurs. Oui, qu'est-ce que c'est dur. Alors, on a tous lu ça. Moi, je l'ai imprimé. J'ai mis ça dans Word. C'est tout séparé. Fait qu'on part. J'oublie la feuille à job. OK. Fait qu'on y va. Alors, premièrement, les Kings ont échangé Tom Gilbert aux Capitals en retour d'un choix conditionnel de 5e ronde. Il jouait encore, lui! Il jouait encore. C'est un bon échange, ça, pour le vrai. Il est pas bon, il est juste mauvais. C'est contre qui, ça? Il est pas mauvais. Contre un choix conditionnel de 5e ronde. Conditionnel. Parfait, man. Bon échange pour un Tom. Les Hurricanes ont échangé Ron Hainsey aux Penguins en retour de Danny Christo et d'un choix de 2e ronde. Danny Christo. Cher payé pour un vieux. Danny deux anciens Christo, de CH qui se sont échangés. Hey, ensemble. Danny Christo, il n'a pas été pour CH, ouais, lui. Ouais, ouais, c'est deux anciens du Canadien qui se font échanger. C'est qui l'autre? Ron Hainsey. Ah oui, oui. C'est bon, ça, c'est un des meilleurs échanges. Lui, il a passé. Après ça, un gros trade. Danny Christo, il ne fait rien. Je sais pas. Le Lightning qui a échangé Ben Bishop et un choix de 5e ronde aux Kings en retour de Peter Budaj, Eric Cernak-Moelsack. Un choix de 7e ronde et un choix conditionnel dont on se calisse. Pauvre Bishop. Je sais pas quoi en penser de cet échange. Ben c'est con pour Bishop. Lui, quoi qu'il revient, là, tu t'en vas aller, tu joues pas. Tu vas être deuxième goaler. C'est poche, Ben, quoi qu'il revient. Fait est-ce que quick, ils ont pas confiance? C'est pas comme ça. Parce que dans le fond, c'est pour lui donner une chance de prendre son souffle. Ouais, fait ils veulent s'assurer de gagner le plus de games possible. Fait qu'il va peut-être se partager la tâche 50-50 jusqu'au playoff. Là. Mais quick, il est clutch dans les playoffs. Fait que Bishop va être assis. C'est comme si ça sort juste son mini camp d'entraînement. Ah, il t'en fera pas l'année. Hey. Après ça, c'est fini. De toute façon, va t'en faire l'année, mais l'année prochaine, il sera plus. De toute façon, t'aimes pas l'a dit que leur homme de confiance, c'était Vasilevski. Ouais, fait c'est que, sûr. De toute façon, c'est ça. Bishop, il coûterait bien trop cher. Puis ils sont assez d'avance à masse salariale anyway, de Tampa Bay. Après ça, les Coyotes ont échangé Martin Enzel, Ryan White. Tu peux tirer le fil si tu. Ouais, c'est ça, mais il retombe. Parce qu'il tire tout le temps. Ouais, c'est parce que. C'est parce qu'il tire tout le temps. Les affaires de plastique en dessous ont tombé un peu, c'est pour ça. Les Coyotes ont échangé Martin Enzel, Ryan White et un choix de 4e ronde au Wild en retour d'un choix de 1e ronde en 2017, un choix de 2e ronde en 2018. Un choix conditionnel de 4e ronde en 2019 et Grayson Downing dit. Si j'ai perdu le fil à Bé, genre le premier joueur. C'est bête trop cher payé pour un gars comme Enzo. C'est fucké, hein? Un choix en telle année, un choix en telle année, un choix en telle année. Ah, ça, ça devient compliqué. Mais lui c'était la folie, ce loterie-là, Enzo. Ça avait mais il y avait une couple de joueurs qui ont été changés. C'était pas la peine pour lui. C'est un gars de profondeur. Pour des gars que, genre, on se calisse dans le fond, Enzo. C'est overpriced, on essaie un first draft pick pour lui. Une bonne équipe peut se payer un Enzo. Les Lightning ont échangé Brian Boyles au Leaf en retour de Byron Frozy, comment tu dis ça? Frozy? Fusey. Il y a un R là-dedans, puis il n'y a pas de R dans ce que tu dis. Ouais. et un choix de deuxième ronde. Ouais, t'as raison. The R is silent. Ouais, c'est ça. Le R devient un I. C'est un R silencieux. C'est connu. C'est un R prononcé comme un I. C'est vraiment fréquent, des R silencieux. Après ça, les Canucks ont échangé Alex Burrow aux Sens en retour de Jonathan Dahlin. Un bon échange. Meilleur joueur suédois dans le junior présentement. Après ça, les Blues qui ont échangé Kevin Shattenkirk. Ça, c'est l'échange de la journée. Et le gardien Phoenix Coldplay. Coldplay. Phoenix Coldplay. Au Capitals, en retour de Zach Sanford, Brad Malone et un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde conditionnel en 2019. Ça, le chapeau au Capitals. Ouais, ouais, ouais. Ah, les autres, they're all in. Ils sont ça, tous, c'est pour la coupe. Hein. C'est pour la coupe, effectivement. Ils vont pour ce qui manque à Ovechkin cette année. Les Red Wings, l'équipe à Mathieu Gilina, qui ont échangé Brendan Smith aux Rangers en retour d'un choix de deuxième et de troisième ronde. Après ça, les Hurricanes qui ont échangé l'Ipsy Victor Steinberg aux Sens en retour d'un choix de troisième ronde. Check. Les jeunes n'auraient pas compris celle-là, je pense. C'est pour les old timers, ben, c'est pas jeune, je le comprends. Non, mais plus jeune que toi, encore tes élèves. Ben, j'espère. Ils bon, sont bien venus pour nous écouter, ces petits Chris-là. Ben oui, parce que sinon, on va perdre ma job. Je vais perdre ma job, sinon. Les Stars ont échangé Johnny Oduya aux Hawks en retour de Mark McNeil et un choix contenant le quatrième round. Hey, Oduya, back avec les Hawks. Ils vont jouer avec le même gars. Back sur la Grèce, man. Hein? Back sur la Grèce. Back sur la Grèce. Les Red Wings qui ont échangé Thomas Vanek, qui est encore dans la ligue, aux Panthers en retour de Dylan McElrath. Ça. Ben, c'est un bon lien. Et moi, un choix de troisième ronde. Moi, là, quand j'ai vu que genre il y avait du monde qui commençait à dire que Bergevin va aller chercher Vanek, j'étais comme hey, non. Ben pour un hey, choix. Man, moi, pour un choix de quatrième ronde, j'aurais été. Man. Man. Puis, on a-tu vraiment choix, des j'avoue. Meilleurs gars offensifs que ça? Moi, j'aurais essayé. Ben, c'est pas un choix de quatrième ronde. C'est parce que là, c'est un prospect avec un choix. C'est un prospect avec un choix de troisième. Juste pour un choix, je l'aurais fait. Ouais, ouais. Juste pour un choix, mais avec un prospect. On n'a pas d'attaquant. Ils l'ont fait avec un prospect. C'est pour ça que Bergevin. Ouais, mais sauf que Vanek en série, il va faire de la merde. Oh, ouais. On est 12e dans la ligue offensivement, pas ça. Sur 31 équipes. Ouais, ouais, j'ai hâte qu'on en parle de ça. L'Avalanche. On va parler tantôt. en prolongation. Non, ça, on n'en parle pas, ça, finalement. L'Avalanche, il échange Jarome Iginla au Kings en retour d'un choix de 4e ronde, conditionnel de 4e ronde. Hey, il ne vaut plus rien. Il retrouve son ancien entraîneur. Quand Jarome, il se fait échanger pour un quatrième choix. Ah, c'est ça. Je pense qu'il y a 8 buts cette année. Ouais, il ne vaut plus rien. Non, mais en même temps, les Kings, ils jouent quand même avec les Avalanches. Là. Ah, mais retire-toi. Mais je pense que les Kings sont. Ils se battent pour le 400 PA. C'est quand même un bon. C'est quand même un bon. Il veut gagner la Coupe. C'est quand même une bonne acquisition pour les Kings. Mais les Kings sont même pas sûrs de faire les playoffs. Mais ils ont fait 2 acquisitions pour essayer de les aider à se rendre. C'est une bonne affaire parce que ce gars-là, il va les aider en playoffs, c'est sûr. Après ça, les Devils qui ont échangé Cal Quincy au Blue Jacket. En retour de Dalton Prout. C'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans le ciel. J'adore ça. Dalton ce gars-là. Prout. Dalton Prout. Lui, il est parti comme un coup de vent. Chris, oui. Les Flyers ont changé Mark Streit. Il y avait des rumeurs qu'il reviendrait à Montréal pendant un petit bout. Là. Au Lightning, un retour de Valtteri Filppula, un chouette quatrième ronde. Et un pour ça, c'est cher. Au pingouin c'est après. Cher, ça. Ça oui, c'est très cher. Non, mais Streit, il est encore... Oui, mais non, mais c'est parce que ce qui arrive avec Filppula, c'est que lui, automatiquement, quand tu es dans ton équipe, tu dois le protéger parce qu'il y a une clause de non-échange. Ouais. Fait que le Lightning ont échangé un gars qui devait le protéger. Sinon, il perdait soit Palat ou Johnson. Ça, j'ai bien reste 3. On aurait pu le prendre et l'échanger compliqué. Ça a l'air qu'il aurait levé sa clause. Il aurait refusé de venir à Montréal. Filppula, selon ce que Sports. Ah ouais? Ben. Qui mange de la merde, tabarnak! Ça n'aurait pas été un bon mot pour nous autres. Ben non, ça mais on aurait libéré Plaquet. On aurait été obligé de le protéger. Ouais, je sais, mais ils vont sûrement les pas comme ils sont, parce qu'ils sont bandés Plaquet, la direction. Ouais, mais. Non, il protège pas. Il joue pas, mais il va se manquer un sens. Ils ont insinué qu'ils vont le protéger. Veux-tu gager, man? Non. Je veux pas qu'il me protège. Non, mais si tu l'échanges là, tu manques un centre. Ouais, mais on en a en masse. Ouais. Tu prends un défenseur, tu mets la veille. On a plein de défenseurs. On a de la profondeur à toutes les positions. Tu mets Beaulieu au centre. Shaw, c'est un centre. Techniquement, oui. Tu peux mettre Shaw. Ouais, tu peux mettre Shaw. Steve Ott, c'est un centre. Tu peux mettre Steve Ott. Les Devils qui ont j'aime échangé. Encore plus, j'aime encore plus Plekki que oui, Hot. Les Devils. Ben, ça n'est pas mes genres de joueurs. Les Devils qui ont échangé P.A. Parento au Prédateur autour d'un choix de 6e ronde. Sixième ronde. C'est ce que tu vois, mon P.A. La fois qui me fait rire, c'est que j'ai lu sur Twitter que ça, c'était le plus bel échange de la date limite. Mais voyons. Je te jure, j'ai vu ça. Je capotais. Ben, 6e ronde, man. Eh ouais, c'est une grosse goofball. Ben, parce que c'est pas cher à payer pour un gars qui compte 15 buts. Là. Non, après c'est ça, mais... Les Pingouins qui échangent Eric Fair, qui était au balotage la veille, Steve Wolitski et un choix de quatrième ronde au Leaf en retour de Frank Corrado. Ça fait genre mafieux, hein? Frank Corrado. Après ça, les Jets qui ont échangé Drew Stafford aux Bruins en retour d'un choix conditionnel de 6e ronde. Paye pas cher, hein? That's fucking great, parce que lui, oui, il est en panne cette année, mais... Oui, ça serait un bon fit pour Boston. Ben, en même temps, c'est un René Bourque, ça. René. Stafford, là. Il est bon. Pour le prix, c'est un bon guess. Ouais, t'es sûr, bon Alex? Guess. Dans le cas de René... On t'oubliera jamais, Michel. Ouais, on t'oubliera jamais. Puis le reste des échanges, ben, on s'en calisse parce que c'est des affaires vraiment mineures. Fait que maintenant, JF nous a laissé trois belles questions à discuter ici. Tour de table. Jean-François. Premièrement, encore une fois, des questions super spécifiques qu'on ne peut pas répondre. Mais quand on regarde la division Atlantique, quelle équipe s'est le plus améliorée en BDC en ce moment? Washington. Tour de table. Washington. Atlantique, pas métropolitain. Atlantique, tabarnak. Atlantique qui s'est amélioré le plus? Ouais, incluant nous autres. Toronto, sont allés chercher qui? Panthers, peut-être. Sont allés chercher Toronto, qui? Sont allés chercher Boyle. Mais il y avait une trop de choix. J'ai pas eu le temps de te retenir tout ça. Si, voyons donc, tabarnak. C'est pour ça que je vous ai envoyé la liste. Trois fois. Un peu, là, si, on va. Ben oui, trois fois. Fait que t'envoies les questions, pas je la travaille, liste. Je travaille, si. Sont allés chercher okay. Brian Frost. Moi, je vais dire, c'est Maple Leafs. Je vais le résumer rapidement. Ottawa, ils ont cherché Victor Stahlberg et c'est... Alex Burrows. Ottawa, ouais. C'est bon. Toronto, ouais. Eric Ottawa. Fear, Ottawa. Brian Boyle, je pense que c'est tout. Et puis après ça, les Panthers ont été chercher Vanek. Tampa Bay, ils ont vendu. Buffalo, ils ont fait fuck all. Fait que quelle équipe? Boston, je joue ça. Ottawa. Moi, je vais dire Maple Leafs. Fait que, puis inclut le Canadien là-dedans. Inclut le Canadien là-dedans. Les Caps, dans la métropolitaine. Alex. Ottawa, t'as raison. Ottawa à cause de Burrows. Pourquoi? Burrows. Ils ont rien donné pour Burrows. Il a scoré deux buts. Puis c'est un gars qui peut avoir de l'impact. Je pense qu'il va les aider en série. Ouais. Okay. C'est un gars qui. Pour ce qu'ils ont donné, là, c'est un joueur qui est plus sympa. Ouais, je pense que j'irai avec Ottawa. Moi, c'est les Leafs. Puis tu peux-tu donner des détails? Non, les Leafs! Il n'y a pas de détails, faites-vous. Non, mais je pense que. Payel! Brian Burrow va vraiment amener l'expérience, first of all, du 16 sur la ligne de centre. Puis je pense vraiment que c'est un petit bon joueur à amener. Puis ça va vraiment. Mais c'est dur, c'est tellement. Mais grêcher à leur équipe avec les jeunes qu'ils ont présentement, puis tout, c'est quand même. Je trouve ça vraiment hot. Il n'y a pas de coup de circuit. Je pense que ça prend juste un joueur, puis je trouve que ça change vraiment la donne pour cette équipe. Ben, je pense un peu la même affaire pour Ottawa, moi. Ben, Ottawa sont sur une belle lancée en plus. Là. Ils sont en train de talonner. Moi, c'est eux. Ils sont dans les basses du Canadien en ce moment, puis Chris Burrows. Toronto est en feu et tout. Là. Toi, Jeff, as-tu un choisi? Non, moi, j'ai rien suivi. Moi, je suis l'animateur, ma calice. Ok. Moi, je travaille aussi. Toi, c'est Canadien. Toi, c'est sûr que c'est Canadien. Là. Je sais parce que tu nous emmènes vers ici. Ouais, c'est ça, t'es un asti de ventre. Parce que t'aurais pas dit inclus un Canadien, là. Inclus un Canadien. moi, j'aurais dit les Caps si t'avais inclus la division métropolitaine. Là, non, mais ça, c'est juste l'autre question d'après. On va avoir la même réponse. Ah, transaction overall. J'ai répondu à la question aux deux, moi. Ouais. OK, si on regarde le big picture, là, c'est... Ah ouais, vas-y, mallette. Mettons qu'on finit... JF, je gagne des poules, mallette. Ben oui, c'est le pire, c'est que c'est le cas. For a living. Mettons qu'on finit premier de la division. For a living. OK, mettons qu'on finit premier de la division. Ouais. On peut soit affronter les Rangers, Columbus, ou bien... Contre les Rangers, que ça te fait peur, par exemple. Toronto. Ça va jouer entre Columbus puis Rangers, entre les deux. Et c'est what? Rangers puis Columbus, je suis pas sûr. Je suis pas safe. Les Rangers, je suis vraiment pas safe. On a une bonne fiche contre Columbus, eux autres. Columbus, c'est tout. Ah, eux, c'est pas grave, en série, c'est une autre game. Je suis vraiment pas sûr. C'est ça, mais je vais juste finir mon point. Vas-y, file. Je pense que les Rangers, ils ont été chercher un défenseur de profondeur, mais ils n'ont pas été chercher, mettons, un Kevin Shattenkirk ou un gros avant pour me faire peur. Fait que moi, je pense que c'est un club qu'on peut battre. Mais après ça, si on bat, mettons, on réussit à battre Columbus ou les Rangers, parce que Kevin Columbus n'ont plus mon pot. C'est pas un avant. C'est un défenseur, Kevin Shattenkirk. Ouais, c'est un défenseur. J'ai dit un Kevin Shattenkirk ou un avant. Gros avant. OK, qu'est-ce que j'ai mal compris? Fait que si on réussit à passer à la première ronde, là, on va jouer contre une équipe de notre division. OK? À date, fort probablement, ça risque d'être Ottawa contre Boston. Ottawa. Parce que si Toronto, Ottawa. Si Toronto fait les playoffs, mais donc finissent 8e, ils vont jouer contre Washington. Je pense que Toronto vont se faire sortir en première ronde malgré le fait qu'ils ont fait quand même une bonne acquisition. Là. Parce que Brian Boyle, on s'entend, c'est un très bon joueur défensif au centre. Boston, là, je pense qu'on une équipe qu'on peut battre. Oui. Facilement. Boston, ils vont faire une ronde. Faut juste passer la première ronde. Puis Ottawa, là, dans le fond, Burrow, je pense que son plus gros highlight qu'il a fait en playoff, c'est d'avoir mordu Patrice Bergeron. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Non. C'était quoi ça? Que Burroughs a mordu Patrice Bergeron en finale de la Coupe. Comme un esti de cave. Moi, je pense qu'on est capable de battre toutes ces clubs-là. Il n'y a personne qui m'impressionne, tandis que nous autres, on a changé notre identité. On a cherché des gros joueurs pour faire mal aux autres. Chris Neal, là, viens donc écœurer un de nos joueurs. Il va en avoir 5 qui vont t'envoyer chier en même temps. On va avoir Shaw, on va avoir Gallagher, on va avoir King, Gallagher. On va avoir Mattinson s'il joue ce soir-là. On a Steve Ott, on a du monde. Tous ces joueurs-là, ils joueront pas tout en même temps. Je suis d'accord avec toi, Jeff. Mais attends un peu, là. Faut score des buts et tout. Ben, c'est ça, faut score des buts. Oui, mais c'est ça. Attends un peu. Puis on est 13e dans la ligue. Puis les deux équipes que tu as nommées, là, les Rangers puis les Blue Jackets, là, sont 3 et 5e. Je sais, mais c'est pas ça mon point. Moi, je te parle de notre division. Ouais. Oh, mais on va se pogner contre les Rangers. Parce qu'on t'a dit, on va se pogner contre les Rangers ou Columbus. J'ai dit si on passait les Rangers. Puis après ça, je voulais faire d'ailleurs au point de la question qui était. Mais si on faut passer les Rangers. Ben, les Rangers, à date, on a une fiche victorieuse contre eux autres. Oui, fait que ça m'impressionne. Attends, attends demain, man. Puis demain, là, je pense qu'on se fait péter à la gueule. Ah ouais. Veux-tu gager? Oui, je suis prêt à gager. Arrête de l'amener dans le vice tout le temps. Oui, je suis prêt à gager, man. Tu sais que je suis prêt. Il faut juste me le dire. Sors le cash. Ces équipes-là, ils n'ont pas fait le move pour vraiment changer, je pense, la game. Ils n'ont pas fait de move pour changer la game tant non plus. Là. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai pas peur et j'ai confiance en nous autres parce que. On n'est pas des fils. En Syrie, comme dirait notre bon directeur général. Le but, c'est d'acheter l'adversaire de marquer des buts. Après ça, moi, il y a tellement. Comme directeur général, je regarde pour améliorer les cas. Ce que le monde ne comprenne pas, là, puis je parle de certains d'entre vous. Oh, ils pointent les caméras. C'est pas un call-out, là. C'est... Les équipes, quand ils jouent en play-off, il n'y a pas d'espace, il faut que tu saignes pour chercher la rondelle ou presque. On a accordé 164 buts. On est juste un petit peu au-dessus des Rangers qui en ont accordé 169. Puis le Blue Jacket 146. Écoute, Jeff, je comprends ton point, mais présentement, aujourd'hui, je trouve que tu es un petit peu optimiste. Ben, je suis optimiste. C'est ça le but. Sauf que dans 10 games, même que j'ai vu ces gars-là jouer, parce que là, on a juste vu jouer. Vous allez Big dire. Dick King. Ah, On sent. Big Dick King. Là, je veux pas que tu te fâches, je veux pas que tu te vexes. C'est amical ce que je vais te dire. Là, c'est très, très gentil. Puis je te trouve beau. Non, mais dans le sens de je te trouve beau à voir aller. T'es un gars optimiste. Le Canadien, c'est ton équipe. Tu prends ça à cœur. On voit le pattern mallette, OK? Mallette, le pattern mallette, c'est tout est beau. Puis à la fin de la saison, quand on va se faire... Il va dire « Le Canadien m'a brisé le cœur parce qu'on n'a pas fait de l'affaire puis tu vas te fâcher, genre, bien, tu vas être en tabarnak. » Non, mais honnêtement, il y a un élément déclencheur là-dedans. Il y a un turning point dans ma perception des choses qui m'a fait comme tabarnak. Claude Julien, c'est la cerise sur Sunday. Parce que je pense que Claude Julien, c'est la meilleure acquisition que le Canada a pu faire. C'est la cerise. J'avais pas compris ce que tu as dit. La cerise sur Sunday. Lui, c'est la cerise sur Sunday, mais Michel nous l'a dit. Tu peux pas mettre juste des cerises dans ta salade de ouais, mais dans un Sunday, il y a juste une cerise. C'est vrai. Fait que, tu peux mettre des moi, je pense que c'est le meilleur coup que Bergevin peut faire cette année à date. Les peanuts qui goûtent le vieux sac. Tu parles des Sunday au McDo, toi. Mais, ça goûte le vieux sac. Le meilleur move que Bergevin a fait, c'est d'engager Claude Julien. Mais moi, l'année passée, j'étais en crise après Marc Bergevin. Puis je sais qu'Alex, il a dit que j'étais bipolaire. Puis tout ça, puis j'ai envoyé chez Bergevin. La journée que j'ai vraiment eu un turning point, c'est quand Bergevin a répondu. On a une saison de marde, il a bougé cet été. Il a été chercher Andrew Shaw. Il a signé Radulov. Il a échangé Subban contre Weber. Bergevin, il n'a pas eu peur de faire des changements. Puis là, il a donné une chance à son coach parce qu'il a tenu parole, mais il l'a collé dehors pour engager un meilleur coach que lui. Fait que je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Là. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais... Si on perd, mais moi, je pense sincèrement que la Coupe Stanley, elle ne se gagnera pas cette année. Mais ça va être l'année prochaine, aller plus loin. Si on va à la question, en tout cas... Mais j'aime ton optimisme, c'est correct. Là. Moi, les autres équipes, ils ont fait des moves, mais ça ne m'a pas impressionné au point où je me sens intimidé. Mais je suis d'accord, mais je suis pas plus en confiance avant. Je suis pas plus en confiance avant les échanges que je le suis après. Non. Les échanges. Non, ça va venir, ça va venir. Mais ça, moi, je vais avant de dire qu'est-ce que tu dis, je veux attendre. Chris, il reste 18 games à la saison. C'est ça, Chris, il y a du temps en masse. 18 games collés sur 82. Chris, c'est le quart de la saison, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. Ouais, c'est les gars veulent se motiver qui allaient faire un petit tour à tour de CH. Ah, c'est au dernier quart de la saison, c'est pas le temps d'ajuster ton équipe. Mais oui, je pense qu'il y a une date limite au quart de la saison. Un bon ton équipe. C'est un beau quart de poule. Maurice Richard, ça a poudre. Sors un autre. On va aller. Toujours bon. On va aller à faut la prochaine question. Celui qui m'a donné Dave Wooster, l'extrait cocaine qui nous manque sur le soundboard. Ouais, c'est ça. Bah, c'est celle quoi, de Buck Cherry. Moi, je suis calissement pessimiste. Next question. Ouais. Meilleure transaction selon vous dans toutes les transactions? Jeff I love dit, the cocaine. Washington. I love the cocaine. Ouais, ouais, ouais. C'est Washington, Jalen Kirk. De loin. Ouais, la meilleure. La meilleure question. Mais la meilleure transaction, pour le vrai, Vanek, on t'a choisi 6e round. Ben, ce qui est intéressant, ça dépend comment tu le vois. C'est 6e round, Vanek. Ouais, 6e round. Non, c'est Parento, 6e round. Oui, c'est vrai. Vanek, t'as raison. C'est 3e round. Vous le donne. 3e round. Vanek, il joue sa 3e année avec Trocheck. 3e avec un. C'est un joueur 3e, puis Dylan McElrath. Je pense que le meilleur. Moi aussi, je pense que c'est Washington avec Sheldon Keefe. Pas parce que c'est le meilleur. C'est le plus amélioré. Pas parce que c'est le. Comment? Washington qui s'est le plus amélioré. C'est vrai ça. C'est voilà. Pas parce que c'est le meilleur échange au niveau de l'échange en tant que tel. Ouais. C'est l'équipe qui a fait la meilleure job pour s'améliorer. Automatiquement, il y avait une contender. Eux autres sont allés all-in. Ouais. C'est eux autres, ils vont all-in. Ils n'ont pas donné grand-chose. Échange. C'est un bon défenseur, un bon prospect, ouais. Mais je pense que ça va les amener. En place avec Shannon Kirk ici. Parce que Pittsburgh, là, pas Pittsburgh, excuse-moi, mais Washington, la deuxième ronde, ça risque d'être fort probablement Pittsburgh contre qui ils vont jouer. Fait faut que tu battes cette équipe-là si tu veux. Après que tu passes Pittsburgh, tu peux vraiment y croire jusqu'au bout. Là. Prends un respect, Jeff. Prends un respect, mais parce que moi avec, je pense que c'est Sheldon Keefe. Ouais, arrête écoute, de boire du gras de poulet. T'as Sheldon Keefe qui va jouer probablement avec Ovechkin, sa pointe, sa première vague. Puis après ça, t'as John Carson qui va jouer sur l'autre. Puis avec Kuznetsov, Chris, c'est un power play, ça, là, Washington. Ouais. Sont, c'est une machine. Ils sont pas sortables. Puis pour ceux qui n'ont pas pensé. Je sais pas c'est qui. Ouais, Oldby. Oldby, je pense que c'est lui qui a les meilleurs stats dans l'Est. Il est solide dans Chris. Ouais. Mais. Qu'est-ce que j'allais dire? Hein? Je sais pas. Comme le deal de Vanek que Alex parlait, c'est un beau point aussi parce que Vanek est sa 3e ligne avec les Panthers. Puis ils ont tellement de profondeur à l'avant. Sauf que je pense que pour les Panthers, malheureusement, je pensais que c'est un sixième choix, par exemple, mais c'est pour ça, ça tient pas la route. Là. Non, c'est pas grave. C'est Sheldon Keefe qui touche, je me suis trompé avec Parento. C'est ça, mais l'affaire qui arrive avec Vanek aussi, c'est que, avec les Panthers plutôt, c'est un petit peu trop tard pour eux autres parce que ouais, sont ben c'est des Leafs. Tu sais, tu irais avec une équipe qui est déjà dans les séries ou quelque chose, je trouve que c'est un bon ad. Sauf que là, ils sont même pas, sont 9e puis ils ont plus de matchs à jouer que les Leafs. Fait que ça sera pas facile pour les Panthers d'ici la fin de la saison. Check bien Esti encore là, cette année, là, les Capitals, ils sont allés se guérir puis ils vont se faire ils sortir vont en première. Ben, ça va dépendre de Toronto. Puis d'après moi, tu sais, je pense que Washington a de plus de chance. Ben, je pense qu'ils ont plus, ils ont pris de l'expérience. Fait que si ça arrive, là, waouh. C'est ça, arrive, c'est grave. Ben, on s'est dit en même affaire l'année passée, on a fait comme waouh, mais Chris, ils ont eu combien l'année passée? 120 points en saison régulière? Ouais, mais ils étaient pas aussi. Autour de ça. L'année passée, ils ont sorti à quelle ronde? Première ronde. C'était contre qui? First round, man. Ils sont sortis contre. Oui. Bonne question, hein. Je m'en souviens plus. Mais ils sont sortis en première ronde. Ça, je suis quasiment sûr à 100%. Là. C'est rarement, je pense, j'ai vu Washington se rendre en finale d'association. Puis cette année, s'il n'y arrive pas, mais d'après moi, tabarnak, s'il n'y a rien à faire avec tabarnak. C'est effectivement. C'est cette équipe-là, en ce moment, sont prêts à se rendre en finale d'association. Puis dans l'Ouest, vous autres, y a-tu un club, vous pensez que c'est plus amélioré que les autres? Les Kings pour les deux goalers, peut-être. Là. Ça, c'est vraiment solide. Ça, c'est un méchant backup. Là, les Kings avec Egan là aussi. Là. Ben, ça, c'est ça. C'est sûr que Gainlow ne produit pas assez, mais ça l'amène encore de la profondeur à LA. Là. Les Kings sont. Ouais. C'est pas les Kings. Parce que, c'est pas le pire. Il y a pas de chez Gainlow, il me semble. Non. Non, moi. Ben, ils sont fait éliminer en deuxième ronde contre les Pingouins. Ben, c'est ça, c'est l'équipe à battre pour eux autres, c'est les Pingouins, ils n'ont pas le choix. Ben, c'est ça la dernière question qu'on a. En fait, c'est quoi le pire échange qu'il y a eu pour cette période des échanges-là? Je cherche ma feuille. Voilà. Y a-t-il un joueur qui a été surpayé? Ben, c'est sûr qu'Enzo, ça n'a pas de bon sens, là. Ça, c'est encore le trou de cul en Arizona, là. Ouais, ouais. C'est quoi, excusez, là, j'ai manqué la question. Le pire échange qu'il y a eu. L'équipe, mettons. C'est Enzo. Enzo qui a payé trop cher. Enzo, les Wild ont payé bien trop cher. Puis le pire, c'est que le Wild, dans le fond, ils vont-tu être capables de rivaliser avec les gros clubs de l'Ouest? Ben, je pense que oui, ils sont bien guéris pour ça. Ben, ouais, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Pour passer la deuxième ronde. Mais je pense qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Passer à la deuxième, non, peut-être se rendre en deux. Passer à la première ronde, peut-être. Ils passent pas de ronde, eux autres. Le Wild, ils veulent se rendre en deux. Attends un peu. Le Wild, là. Tu faisais éliminer en première. Ils sont jamais passés la première ronde, là. Ça fait longtemps, là. Fait que. Ils n'ont pas d'expérience de série de fou. Non, fait que c'est passé la deuxième. Ben, il y a des joueurs qui l'ont. Tu sais, Zach Parisé s'est rendu dans une finale de Coupe Stanley. Oh, la baleine dégonflée. Ouais, mais. Pour le reste, c'est sûr que, mettons, la majorité d'équipes, ils n'ont pas de joueurs qui ont beaucoup d'expérience en playoff. Ça, c'est sûr. Ils sont bons. Martin Hanzal. Ben, ils sont bons, mais ça veut. Je pense qu'il était dans les playoffs avec les Kings. Ça change tellement dans les séries. Yeah. On sait jamais. Mais moi, je pense qu'on se rend en deuxième cette année. Mais ils ont payé tellement cher pour une bonne année qu'ils ont eu. Mais tu sais, quand ils vont coller 3-4 années de suite, qu'ils vont être dominants dans leur division, je pense que là, ça vaut la peine de payer le prix parce que tu peux y croire un petit peu plus. Mais là, cette année, c'est un gros guess. Puis ils ont payé cher pour un gros guess. Ils ont perdu leur jeunesse un peu pour ça. Et voilà. Entre autres. Mais moi, je pense que les gros. Je suis tellement pas fan des joueurs du Wild, sérieux. À part genre, mettons, Dominique, là, que je trouve que. Il a trouvé sa niche. Il y a une couple de joueurs que je trouve intéressant, mais je suis pas fan de Miko, pas en tout, man. Miko, c'est un joueur. Non, mais le joueur a su avec le Wild qui a éclos cette année. Je connais une saison de fou, c'est Michael Grandlund. Pour ceux qui veulent faire un bon move dans leur pot, Grandlund, c'est ouvert cette année. Oui, belle ouverture. Belle ouverture. Ah, mais le gars, il produit en crise. Il s'est fendu jusqu'au. C'est un spécialiste du powerplay, Grandlund, présentement. Bref, la Grandlund, là. Ben, est-ce qu'on a tout dit c'était quoi notre pire échange, là? Je pense que oui. Ben, moi, dans le fond, ce que je voulais en revenir, c'est que je pense que les perdants de cette journée-là, là, c'est les vendeurs. Tu sais, Buffalo, là, on s'entend qu'ils font pas les séries. Ils n'ont rien qu'on le sait, eux autres. Ils n'ont rien fait, Esti, parce que le Chris d'imbécile de Tim Murray, là, il vendait ses joueurs trop cher. L'autre perdant, là, c'est encore le John Chayka. Tu veux pas aller chercher Evander Kane? Non, mais il y avait des rumeurs qui était joueur autonome. Franzen, c'était un joueur autonome. Ah, vends tes joueurs, tabarnak. Va chercher des choix. Un Giotto, va le vendre. Ouais. Ouais. Non, mais qui veut ça encore? Allô, ma chopus, c'est sur le bord de la route. Il y a des gars qui sont fait échouer qui ont des choix. Mais il peut quand même les repasser au repêchage, mais c'est parce qu'il n'y aura plus de valeur à ce moment-là. Fait que t'es mieux de les donner là, tant qu'elle est belle pour arriver. Tu vends un contrat qui n'est même pas sûr de signer, fait whatever. Ben, un joueur de location, on va chercher des choix. Ah, tu vas avoir des choix de 4, 5, 4. On va en chercher, puis le gars, il était comme, tu sais, il a fait sa conférence de presse hier. T'étais en train de reconstruire ton team. Puis il était comme. Parce que dans le fond, je te vends un, mais personne ne m'a appelé. C'est parce que ton étiquette est trop chère, Chris Despais. Puis aussi, l'affaire, là, c'est. T'as écouté ça, toi? Ben, il écoute tout. Je suis tout. Je te dis, il a su son fax, ça a déjà. J'étais un fan. Les papiers troués, c'est côté. Ça a ça de sorti, ça. Là, Phoenix. Trop de temps. Okay, ils ont réussi à pogner un poisson là, pour Martin Hanzal, mais il y avait Shane Doan, il y avait Radim Verbata qui était peut-être. Un des attaquants les plus talentueux Verbata. De la date limite. Là. Ça, c'est un cadeau empoisonné, pareil, qu'il y a des problèmes d'attitude, ce gars-là, Verbata. Ben, pareil, tu sais, mettons ce que Détroit a eu pour Vanek, je pense que Verbata valait au moins ça. J'aurais pas payé ça pour lui. Moi. Ben, il y a encore là, Esti, ils ont gardé tabarnak parce que qu'est-ce qu'ils voulaient avoir pour Verbata? Un prospect de haut niveau, c'est-à-dire un gars qui était repêché dans les deux premières rondes, puis un choix de première ronde pour Verbata. Tout le monde il a dit fuck you, des calices. Tu vas le garder, ben, ton assis de joueur. Je suis d'accord. Puis Shane Doan. J'aurais dit même affaire. Shane Doan, le gars, il broye parce que ça a l'air que Martin Hanzal, c'était son grand chum. Échange-les, Shane Doan. Fuck you, Sti. Fuck you, Sti. C'est ça. Fuck you, décor. Ouais. Puis les équipes, je pense, qui ont eu. Tu sais, les équipes vendeurs. Fuck it, fucker. Les équipes vendeurs qui ont eu du succès, je pense que c'est les Hurricanes avec les choix repêchage qu'ils ont ramassés. Puis Vancouver, ils ont pogné des très bons prospects. Je suis surpris de Jim Benning parce que ce gars-là, le gros bozo, là, qui a eu une amende parce qu'il a commencé à dévoiler ses négociations au cours de l'été. Là. Il a eu une belle journée hier, Jim Benning. Vous savez, c'est qui, Jim Benning? Une belle journée. Jim Benning, oui, c'est ouais, très bon. Fait que. J'imagine c'est le DG de Vancouver. Puis une autre affaire, c'est Joe Sakic. Colorado, c'est quoi? C'est le pay club de la Ligue présentement, là? En point? Oui, je pense que oui. Y a-tu vendu tant que ça, ces joueurs? Y a rien. Ah, mais tu vends pas ça là, t'attends au premier jour. Non, mais il a vendu Mark Gibson. Y avait plusieurs joueurs autonomes, pareil, qui auraient pu se débarrasser. Ça ne pas ça à la limite de transaction, t'attends. Il a juste fait ça pour voir s'il y avait un soccer. Mais tu te débarrasses non, de non, ça. Non, mais les gros mots, c'est joueur autonome. Tu essaies de t'en débarrasser. Tu fais jouer au soccer. Ah oui. T'es pas un contrarien? Allons-y, mon vieux. T'es pas un ontarien, toi? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non, j'ai dit, t'es pas. Les joueurs autonomes, là, quand t'es une équipe de bas-fond, là, pis t'as des joueurs autonomes que c'est ceux qui reviendront pas chez vous, là, l'année prochaine, là, tes échanges, tu t'essaies d'aller chercher le plus possible de choix. Le monde voulait juste du Shane Landeskog. Anyway, les gros moves vont se faire cet été. Les gars avec des contrats, oui. Le prix était trop gros, puis deuxièmement, je veux dire, c'est ce genre d'échange qui se fait pas dans les play. Non, parce que la masse salariale, c'est très compliqué. Meilleur de voir cet été, moi. Fait que c'est un fucker, ça, en plus. Shane. Non, ouais. Alex Tanguay l'a confirmé, ça l'est pas. Ah, oh, mais il est nage en beau, il fait que... Il a joué avec, tu sais. Il va-tu dire, hey, Shane, t'en es fucker. Non, mais Tanguay, c'est un gars qui est t'sais, ça, c'est comme l'affaire. Ça, c'est comme l'affaire de genre. Voyons, la Violette qui dit, Subban est coachable. Ah, il va dire le contraire. Ah, mais ça, c'est le site philosophe à merde qui sort des fausses controverses. Ça, c'est tellement de la merde. Fake news. Jeff Wayne, la caméra qui est même pas ouverte. Non, mais sérieux, là, c'est de la grosse crise de don. Elle est pas ouverte, celle-là. Je vais l'ouvrir, là. Tu le voyais pas sur l'écran. Jeff, ben, je regarde pas l'écran, je regarde la caméra. Non, mais Chris, l'écran est à côté de la caméra. OK, je vais m'en prendre pour le cas, là. Justement, je pense qu'on est rendu là. On est rendu là. C'est fini, t'as-tu autre chose? C'est fini. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, fait qu'on le show est fini, fait qu'on est rendu au corps. Au corps, là. Ah, c'est rendu à fait du show? Ouais. C'est des choses à dire. Tu quoi dire, toi? Non, moi, j'ai plus le votre pacing. Non, les corps-là, d'ailleurs, ils ont une section spéciale à la fin du show parce que ça coupait tout le pacing du show. Là, j'étais émotionnel. Fais attention à ta bière. Ça fait une semaine à peu près que je l'ai sur le cœur, celle-là. On tient tout, là. Claude Poirier. Oh, tabarnak. Oh. What the fuck? Ton hostie de rumeur de merde que tu connais une policière qui saurait de quoi sur Price pis qui veut pas que ça se sache. Pis là, tu vas dire ça à Radio 91.9. Claude, là, mon tabarnak, là, on dira pas nous autres que toi, tu t'es fait acheter ta maison par les Saputo pis te l'ont loué parce que t'avais des problèmes financiers parce que t'es pas... Ça. Bon, je pensais que personne ne le savait. C'est la vie de ton Poirier est publique pas mal, je te dirais. Quand même... J'ai fait des recherches Wikipédia. Justement, c'est sur Wiki, c'est assez public, je te dirais. Hey, c'est quoi ouais, ce call-out de marde, là? Attends, ah ouais. Après, je peux pas fini. Je commence, là. C'est très chaud. Ils sont là, allez. OK. Mon esti de vieux gars de 100 ans. Non, sérieux, t'es un fan des Bruins. T'es un esti de mangeur de merde. T'es même plus un journaliste crédible, tabarnak. C'est pack de smoke, là. C'est rendu, c'est écrit. C'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste. Non, mais qu'est-ce que tu fais à commenter la nouvelle? Ben, c'est un fan des Bruins. Claude, le négociateur. C'est pack de smoke, là. À cause de toi, c'est écrit peut devenir épais. Pis ta face est là, esti. Je taillis tellement mon gros tabarnak, là. Toutes tes hosties de rumeurs de merde, garde-les pour toi. Si tu veux faire de quoi d'intéressant. Tu me déconcentres, man. Tu devrais commencer par te regarder dans le miroir puis rester chez vous. Carey Price, là, on s'en calisse des rumeurs. On veut juste que l'équipe gagne. Puis arrête de sortir des nouvelles de marde. Ça l'insiste le monde à dire de la marde. Hey, tu me déconcentres tellement. Là. Alex aussi. Alex, je sais pas. Tout le monde. C'est Alex qui me déconcentre, oui, man. Moi, je regarde la caméra puis je pointe le monde. En tout cas, ceux qui ont cru à cette histoire-là, tabarnak, là, puis qui pensent que Price devrait être échangé, là, fermez donc vos calices de gueule, esti, puis restez donc chez vous. Moi, là, j'étais écœuré d'entendre le monde chioler sur mon club, tabarnak. Tout le temps de la merde, esti. Si vous êtes pas fan du Canadien, ferme donc ta gueule, puis porte-toi un bloc, c'est sénateur d'Ottawa, esti. L'équipe est à 200 km d'ici, puis ça va bien là-bas. Justin est à côté de l'aréna, tabarnak. Fait qu'allez donc chier, calice, puis je suis sérieux. Je suis sérieux. François Gagnon. Wow! Et voilà. Ah, Chris, il était sérieux en plus. C'était un très sérieux. Bon call-out, là. Généralement parlant, j'ai commencé tranquillement, mais après ça. C'est un crescendo encore. Je suis diverti, c'est parfait. Je pense que ma meilleure part, c'est. Meilleure part. Ta meilleure part. Ma meilleure part, c'est Justin. C'est Pittsburgh. Savez-vous qu'est-ce que Carey a fait hier après la guerre? Qu'est-ce qu'il a fait? Un gros caca. Il y a une petite fille. Il y a une petite fille. Il y a une petite fille de 10 ans qui a le cancer, puis elle a une maladie, genre le syndrome de Peter Falk, je sais pas c'est quoi. Peter Falk. Peter Falk. C'est une maladie qui est grave, puis qui est très dur à guérir. Fait que, les bonnes passeuses. Sa mère, elle avait posté une photo sur Facebook de sa petite qui écrivait un message comme quoi que son rêve, c'est d'aller voir un match du Canadien de Montréal, puis de rencontrer son idole Carey Price. Fait que ça s'est rendu au Canadien de Montréal parce qu'il y a beaucoup de partage de cette image-là. Ce qui a été hot, c'est qu'elle a une pancarte puis son rêve, c'est d'aller voir genre un match avec Piqué Souben. Ça se voit qu'il y a Carey Price qui va avoir. Excuse-moi. Non, c'était pas ça pendant tout. Mais Carey, hier, ils ont amené la fille voir le match canadien avec Piqué Souben. Puis à la fin de la game, il restait avec. Super touchant. Puis il a fait un gâteau. Price a fait un gâteau. Price a fait un gâteau. Je veux des preuves, c'est lui qui l'a fait. Écoutez l'audio à 98.5. L'audio, c'est quoi, tu l'as brassé? Non, sa mère a témoigné à radio un matin. Tout le temps craquer les œufs. Écoute, dans Hockey Wife. Sa mère a témoigné la nouvelle à radio un matin. Ok, elle l'a vu, la mère, le faire. Ben, c'est, ben, Chris a conté l'histoire à la radio. Ben, il a juste amené un gâteau. On travaille, Colis! Il a amené un gâteau. Non, mais tabarnak, Chris. Quand t'es dans ton char, t'écoutes la radio. Non, non. Oui, okay, tu as amené un gâteau. Est-ce qu'il a amené un gâteau? Il a fait un gâteau. Il a amené. Il a amené. Elle l'a pas vu le faire. Ben non, il a amené. Ben oui, il est allé chez. Il est allé, est-ce-tu, dans un magasin? Ben non, il a dit, I bake a cake pour toi, est-ce-tu? I bake a cake pour toi. Puis mon père, il me dit ça à chaque assis de souper le dimanche. Puis c'est jamais lui qui a fait la crise de gâteau. Encore l'étiquette du. En tout cas, Price, c'est une bonne personne. Ben oui, c'est une bonne personne. Mais moi, je pense qu'il fait juste ça pour la publicité. Il porte des jeans. Chris Price fait ça pour l'exposure. Ouais, c'est comme Subban, c'est un esti de fucker dans le fond. Ça. Chris. Exactement. Non, parce que toi, t'en as pas entendu parler. C'est oui, c'est à radio un matin. Là, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mur à mur. Avez-vous vu hier dans la gang contre les Preds? Quand le journal de Montréal. Quand Price boit de l'eau, puis t'as Subban qui l'écart en arrière, puis Price, il envoie une shot d'eau à sa gueule. Il l'a manqué. Il l'a manqué, puis Price, puis Subban, il riait. Subban, il a piché de l'eau derrière des gens. Don't fuck yourself. Ah, c'est ça. Mais non, mais c'est une petite guerre amicale. C'est son best man, là. Comment? C'est de la belle camaraderie. Oui. Ben oui, tu peux dire à ton ami go fuck yourself, c'est drôle. Tu sais, comme il y a eu. Go fuck yourself. Quand Price a fait son arrêt miraculeux aussi, les deux goalers sont croisés, puis l'autre goaler a dit à Price, comme hey, ben, comme good job, là. Eh oui. C'est de la franche camaraderie. C'est de la franche camaraderie. Ouais, mais il y a une confrérie avec les gardiens. Ben oui, et avec Subban. Ça, c'est comme les. La confrérie des Skulls. C'est ça, je m'en laisse. C'est bon, ça, c'est le premier c'est film. C'est les frères maçons. Ouais, avec Joshua Jackson. Le premier film, d'abord, le reste, c'est le style. Avec le gars qui joue des Mighty Ducks. Ouais. Ouais. Le troisième, c'est le gars qui joue dans Fringe. Ben oui, Joshua Jackson. Paul Walker qui jouait là-dedans. Joshua Jackson. Ouais. Paul Walker jouait pas dans les Mighty Ducks. Non. Non, mais il jouait dans Cody Skulls. Dans les Skulls. Ah, mais il est mort. Il est mort. C'est vrai, ouais, ça. C'est chiant. Puis Joshua Jackson, il jouait dans la Fringe, mais c'est pas. Hey, j'ai vu le bruit. J'ai vu un bout du trailer de Fast and Furious 8. 1588. Ouais. On est rendu où? Puis il y a une photo de Paul Walker dans le film. Je capotais. Ah, ouais, peut-être qu'il veut penser à lui parce que. Hey, ça. Puis je capotais. C'est. Quel moment d'émotion. Okay. C'est là-dessus qu'on va finir le podcast, d'ailleurs. OK, bye! J'ai eu une émotion. Moi aussi. Suivez-nous sur Facebook et Twitter puis commentez les vidéos que JF fait live. Là. Mettez des petits bonhommes fâchés si vous n'êtes pas contents ou des petits bonhommes contents. Des bonhommes fâchés, je vais les faire. C'est tout à moi qui aimais. J'avais prédit une victoire de 5-2 contre les Jets, mais je me suis fourré dans ma boule de cristal. C'était une fiche de 5-2. Bon. C'est quoi 5-2, une fiche de 5-2? 5-2 défaites. Et là-dessus, wow. Excellente route. On se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde.